Nous sommes le mardi 13 janvier 2015. Vous êtes sur Charlie Science et c'est l'épisode 202. Ne cherchez pas l'épisode 200, c'est normal que vous ne le trouviez pas, il n'existe pas encore. Ce soir, la vedette, c'est notre amie Clara Moreau, doctorante en neurosciences, qui est déjà venue nous parler d'Open Science, c'était l'épisode 144, et de méthodes de visualisation cérébrale, c'était dans l'épisode 152. Cette fois-ci, Clara va nous parler des désordres mentaux. A rien à voir avec la triste actualité, cet épisode était prévu de longue date. D'ailleurs, vous verrez qu'il existe de nombreux types de troubles mentaux et qu'il s'agit de problématiques beaucoup plus complexes que ce qu'on a tendance à imaginer quand on n'est pas du métier. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte d'explorer tout cela. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous et bienvenue donc dans Charlie Science. Autour de notre table ce soir, alors d'abord on a une table physique à Lausanne, autour d'Alan, avec Clara. Salut. Et Alan donc qui est chez lui. Salut. Salut tous les deux. Ensuite on a une autre table physique mais toute seule, donc on va dire que c'est une table virtuelle avec Julie Anis. Salut Julie. Salut. Une table avec Robin et Boson à Paris. Salut tous les deux. Salut. Oui, en espérant qu'il y en a qu'un qui parle. On doit avoir Robin pas loin, Irène pas loin, si elle est encore connectée. Salut Irène, depuis l'autre côté de l'Atlantique. Allez, vas-y, elle est où Irène? J'ai pas envie, je me trompe de série à chaque fois. Moi, je suis là. Non, mais ce que j'aime bien, c'est le pas loin de qui exactement. Non, mais j'ai dit pas loin, c'est-à-dire que je voulais savoir si elle était connectée, j'étais pas sûr, tout ça, comme j'entendais plus de bruit de fond. Donc, ouais. Donc bonjour Irène. Elle est à Santa Barbara. Bonsoir tout le monde. Et donc moi-même, Nico depuis Paris. Au sommaire de l'émission de ce soir, on a le dossier de Clara sur la maladie mentale. On a un pitch pour la semaine prochaine, une quote, le quiz du mois, des plugs et puis c'est tout. Une quote, donc c'est pas une quote de bœuf. Robin demandait en off avant l'émission pourquoi ça s'appelle quote et pas citation et pourquoi c'est en anglais et pas en allemand ou en espagnol. Ou en grec. Ou en grec, ouais. Si quelqu'un arrive à dire quote en grec, ça nous intéresse, on est preneurs. Ça fait partie de l'histoire de l'émission. Il n'y a plus qu'un vieux dinosaure comme moi qui peut en parler. C'était un hommage à Niptech qui faisait chaque fois, dans chaque émission. Mais qui fait toujours même. Ouais, qui fait toujours d'ailleurs. Qui a même un super Tumblr où il les rassemble. On devrait faire pareil si on avait une vie supplémentaire. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était un hommage, un petit clin d'œil à nos amis de Niptech, devenu Nipcast. C'est devenu un empire. C'est ça, un empire de l'entertainment. Ouais, c'est ça. C'est beau. Ok, on attaque avec le dossier de Clara, plutôt que de dire des bêtises. On t'écoute, Clara. Bonjour à tous. Donc, l'émission d'aujourd'hui, on va faire un point détaillé sur ce qu'on nomme généralement maladie mentale. Donc, c'est un mot assez fourre-tout où on va mettre toutes les pathologies, voire même des pathologies purement neurologiques ou avec des origines purement génétiques. Donc, on confond tout. On confond ce qui est inné, ce qui est acquis, etc., le courant psychanalytique, etc. Donc, c'est un sujet assez miné. C'est pas les maladies mentales, c'est pas un théorème de mathématiques. Et je vais juste d'ailleurs commencer par distinguer une nouvelle fois ce que c'est la différence entre un psychiatre, un psychanalyste et un psychologue. Donc, un psychiatre, c'est quelqu'un qui a fait des études de médecine et qui s'est spécialisé en psychiatrie comme il aurait pu se spécialiser en chirurgie. Okay. Un psychologue, c'est quelqu'un qui a fait un master en psychologie avec des spécialisations cliniques, etc. Et un psychanalyste, c'est tout un chacun qui a fait une psychanalyse de soi-même, de lui-même. Mais ça peut être un psychiatre qui veut faire de la psychanalyse, mais ça peut être n'importe qui, généralement. Donc, attends, juste qu'on comprenne bien. Oui. Donc, un psychiatre ou un psychologue a fait des études universitaires. Oui. Et c'est une discipline reconnue scientifiquement. Oui. Un psychanalyste a juste fait une psychanalyse. Oui. C'est tout ce qu'il faut pour être psychanalyste. C'est donc ça. Ça n'a strictement rien de scientifique, la psychanalyse, on est d'accord. Et moi, j'ai une question supplémentaire là-dessus. Est-ce que ce que tu viens de dire est vrai dans tous les pays ou est-ce que c'est surtout français comme définition? Alors, je pense, je ne sais pas pour les États-Unis, mais en Europe, il me semble que psychanalyste, il n'y a pas besoin d'avoir de qualification d'accord. Spécifique. Ouais, puis moi, j'ai une petite précision à apporter peut-être. La psychanalyse n'existe pratiquement plus nulle part sur la planète. Hein, c'est-à-dire que On a tendance à privilégier les thérapies qui ont fait des preuves valides, quoi, des preuves scientifiques. Et la psychanalyse est devenue un petit peu la risée de la psychologie partout sur la planète, sauf dans quelques bastions qui font encore de la résistance. Et ces bastions sont la France, et par extension la Suisse romande et la Belgique francophone. Le Canada un petit peu, je pense. Il y a une poche à New York aussi, assez importante, aux États-Unis, et puis en Argentine. Mais au-delà de ça, la psychanalyse, c'est quasi mort. Ça reste enseigné encore. Ça reste enseigné ici, ouais. Les écoles lacaniennes et freudiennes, ça s'est enseigné, ouais. Mais ailleurs sur la planète, ça reste enseigné dans l'histoire de la psychologie, en fait, comme un des courants qui a existé. Mais... Ce qui est assez marrant, c'est que typiquement en Allemagne, c'est moins enseigné qu'en France. Alors que tout le courant freudien vient plus de la Germanie, quoi. De l'Hongrie et tout ça. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est enseigner Freud, ça fait partie de l'histoire, en fait. Je suis bien d'accord avec Alan. En France, aux États-Unis, c'est ça. Freud, c'est vraiment un épisode de la psychologie et c'est pratiquement plus enseigné, en fait. On en parle, mais c'est vraiment mal enseigné. Et c'est vrai que je confirme bien ce que disait Alan. Ouais. Bon. On arrête de t'interrompre. Ouais. Non. Donc, juste pour exposer un peu mon plan, d'abord, je vais vous faire un peu l'histoire de la folie. L'histoire de la folie. Après, les grandes classifications qui sont en ce moment utilisées par les cliniciens, par les juristes, et reconnues assez mondialement, bien qu'il y a des limites à ça. J'en parlerai un petit peu. Et je vais détailler certaines pathologies, certains troubles. Donc, en particulier la schizophrénie, l'autisme et certaines autres pathologies. Donc, vous dire un peu les étiologies, l'origine du trouble et les prises en charge des troubles actuellement, comment ça se passe. Et un peu de pharmacologie aussi, qu'est-ce qui est prescrit et comment ces médicaments marchent, si on a le temps, sur le cerveau, sur le système nerveux. Donc, pour commencer un peu avec l'histoire de la folie. Donc, à l'époque, les gens pensaient que les fous étaient des mauvais esprits, des démons. Typiquement, le mot hystérie remonte à Hippocrate et vient du mot utérus. Comme quoi l'utérus se déplacerait dans le corps et créerait des symptômes. Et d'ailleurs, on a après beaucoup confondu ça avec des simples crises d'épilepsie. Enfin, simple, c'est pas simple, mais dans le sens où quelqu'un qui a des crises d'épilepsie n'est pas qu'on lui dise que c'est son utérus qui se balade dans son corps et qui crée des symptômes, voilà. Alors que c'est purement neurologique, l'épilepsie. Donc, les premières thérapies sont très étranges. On enferme les gens, on les tond parce qu'on peut penser qu'il y a des virus dans les poils. On essaye des médicaments random, type le poivre ou l'opium, certains vomitifs. Il y a les saignées qui sont assez connues. Et il y a aussi, on fait un trou dans la tête pour essayer de faire sortir les vapeurs toxiques. Ou encore, on leur met une camisole de force, on les envoie chez des exorcistes, etc. Enfin, on ne sait absolument pas comment faire. Oui, il y a aussi une thérapie qui est assez, entre guillemets, marrante. On les envoie se promener sur un pont et on a mis une trappe au milieu du pont. Et quand ils sont au milieu, on ouvre la trappe et ils tombent. Donc, en fait, le but, c'était de leur faire un espèce d'électrochoc. Mais donc, c'est assez sadique. Mais voilà, c'est un truc qui était utilisé. Donc, après, il y a eu les électrochocs. Et donc, voilà. Mais c'était du random. Après, il y a eu l'époque du grand enfermement, donc au XVIIe siècle, où on interne tout le monde, tous ceux qui dérangent à l'ordre public, donc sans classification aucune, hein, qu'on ait quoi que ce soit un trouble purement neurologique, que ce soit une lésion... quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer ou qui a eu un AVC, un accident vasculaire cérébral, on ne différencie pas de quelqu'un qui a une schizophrénie. Enfin, on ne sait pas. C'est quelqu'un qui dévie de la norme, donc qui dévie de la courbe de Gauss où vous avez... et en plus, cette courbe de Gauss, elle va varier en fonction du pays où vous êtes... Du contexte spatio-temporel où vous vous trouvez. Donc voilà, on interne tout le monde. C'est l'époque du grand fermement. C'est là que les hôpitaux se construisent, en particulier la Salpêtrière. Enfin, je prends l'exemple de la Salpêtrière. Et après la Révolution française, pour la France, il y a eu un des fondateurs de la psychiatrie moderne, qui est Philippe Pinel, qui a libéré, enfin, entre guillemets, libéré les aliénés de leur chaîne. C'est devenu un symbole, on appelait ça les aliénés, parce que c'était des gens qu'on enfermait donc, à la Salpêtrière et puis qu'on venait voir le dimanche, enfin, la bourgeoisie venait les voir le dimanche, comme ils vont au zoo, quoi. Donc, c'était, on va voir les gens derrière les grilles, et ils étaient attachés à des chaînes. Donc voilà, donc typiquement Philippe Pinel, il a interdit cette pratique, il a mis en place des structures spécialisées, donc les asiles psychiatriques où on les prend en charge, on les prend en charge vraiment, on essaye de classer les troubles et on en prend beaucoup plus soin qu'à l'époque, des gens entre guillemets déviants, donc déviants de cette norme assez étrange. Donc voilà, donc ça c'était pour un petit mot d'histoire. Et aujourd'hui, on a des classifications cliniques qui sont arrivées, en particulier ce qu'on appelle le DSM, c'est le manuel de diagnostic psychiatrique. Car oui, on mélange tout. Donc, comme je disais tout à l'heure, un trouble peut être purement neurologique, donc ça peut être dû à une lésion qui peut être innée ou acquise. Donc, par exemple, si on a une lésion de la zone de Broca, donc qui est dans les régions frontales du cerveau, ça peut entraîner la perte de la parole, même si on continue à bien comprendre, mais on a perdu la parole, on a ce qu'on appelle un agrammatisme, donc on n'a plus la grammaire non plus, mais on a totalement conscience de son trouble. Et on peut vous faire passer pour un fou alors que c'est une lésion d'une zone précise du cerveau. Et également, on peut avoir une lésion de ce qu'on appelle la zone de Wernicke, donc là, cette fois dans le cortex temporal, qui entraîne, elle, à l'inverse, une logorrhée. Donc, c'est un flux de parole très rapide, mais sans sens, avec une non-perception du fait qu'on ait un trouble. Donc, on n'a pas conscience de son état. Et ces deux pathologies sont nommées maintenant, aujourd'hui, dysphasie. Donc, c'est des troubles de la parole qui sont d'origine neurologique pure. Mais si vous croisez quelqu'un dans la rue, là, aujourd'hui, maintenant, et qu'il vous arrive pas à vous parler ou qu'il vous parle très vite en vous disant plein de choses incompréhensibles et que pour lui, ça semble avoir tout son sens... Vous disiez, cette personne est bizarre ou cette personne a une maladie mentale, on ne sait pas trop quoi. Mmh. Donc, typiquement, on va le mettre dans folie, enfin, pas folie, mais on ne sait pas. Donc, alors que c'est un trouble neurologique. Juste un trouble neurologique, c'est un truc qui arrive comme ça un jour ou c'est une condition permanente ou... Alors, ça peut être une prédisposition génétique. D'accord. Et ça peut être une lésion. D'accord. Ça peut être un traumatisme crânien. Ok, donc suite à un accident, par exemple, c'est ce genre de choses qui peuvent arriver. Voilà. Ok. Donc, voilà. Et aussi, par exemple, vous avez une atteinte des aires visuelles, de certaines aires visuelles, vous pouvez voir certaines formes. Et donc, à l'époque, on pouvait vous dire, vous avez des hallucinations visuelles, on ne sait rien, vous êtes possédé par le diable, et donc vous êtes fou, alors que vous avez une lésion des régions visuelles. Donc, vous avez une vision altérée. Ou certaines carences, ou certains traitements peuvent entraîner aussi des hallucinations, ce qui n'est pas... Et vous n'avez pas une schizophrénie, vous avez une carence en une carence. Mmh. Voilà. Donc, ça c'était pour bien dire qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Il y a les troubles neurologiques et qui ne sont pas des troubles psychiatriques. Après, je vais maintenant vous dissocier de manière très schématique et pour commencer un peu sur les troubles, les maladies mentales, les troubles mentaux. Donc, vous pouvez vous imaginer deux côtés d'une balance, où d'un côté, vous avez l'état psychotique qui pourrait se définir comme une perte de contact avec avec la réalité extérieure. On n'a pas conscience de son état, typiquement quelqu'un qui a une schizophrénie, et encore, il existe beaucoup de formes de schizophrénie. Il n'a pas forcément conscience de son état, généralement, et ni des conséquences de ses actes, ni des répercussions sur les autres personnes. Donc là, il y a des hallucinations, des délires, etc. Et donc ça, vous imaginez cette balance. Et de l'autre côté, vous avez l'état névrotique. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre dedans la dépression, les troubles alimentaires, les troubles obsessionnels compulsifs. Et donc là, en fait, il y a une conscience de son état. Typiquement, quelqu'un qui a une dépression ou des troubles alimentaires, il va le savoir, il va en souffrir énormément, enfin généralement énormément, mais ou quelqu'un qui a des TOC, ce qu'on appelle des troubles obsessionnels compulsifs, qui doit répéter des comportements, il le sait qu'il doit répéter des comportements, il le sait que c'est complètement idiot, enfin que ça paraît idiot, mais il a besoin de le faire. Il sait pas pourquoi, mais il a besoin de le faire. Donc c'est un peu c'est pas vraiment une classification, ça c'est un peu un schéma entre ce qu'on appelle l'état névrotique et l'état psychotique, bien que ces deux mots aient aujourd'hui disparu des classifications. Mais voilà, psychotique, vous n'avez pas conscience de votre trouble. Pour vous, vous êtes dans votre, entre guillemets, dans votre bulle, dans votre monde, et ça vous paraît normal. Mmh. Et donc, il y a production d'hallucinations, etc. Alors que névrotique, vous allez vraiment souffrir de votre trouble et vous n'allez pas comprendre... Enfin, vous allez garder... totalement conscience de la situation, mais vous pouvez totalement discuter une conversation très très longue avec n'importe qui, de choses très complexes, etc., avec une parole parfaite, une compréhension nickel, mais vous savez pas pourquoi vous arrivez pas à lutter contre votre trouble. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle l'état borderline. Donc, il est à la frontière entre la psychose et la névrose. Donc, borderline. D'accord. Ok. Tu nous donneras quelques exemples, j'imagine. Oui. Ça, c'est vraiment le schéma du début. Okay. Et je ne veux pas trop insister dessus parce qu'il a disparu des classifications. Donc, je ne veux pas. C'est vraiment pour aider à comprendre. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, parce que. Donc, psychose et névrose ont disparu des classifications parce que ces mots venaient de l'école freudienne. D'accord. Et donc, du coup. Les classifications ont essayé de s'orienter le maximum vers des faits scientifiques, garder les mots psychose et névrose était très associé à des écoles psychanalytiques. Donc, du coup, ça a été retiré des classifications. Et puis, cette classification ne comporte absolument pas tous les troubles. Typiquement, vous mettez pas l'autisme, vous mettez pas. Enfin, il y a plein de troubles qui rentrent pas. Ah d'accord, justement c'était la question que je me posais pendant que tu parlais des deux. Je me disais l'autisme par exemple, oui, c'est, voilà, est-ce que typiquement. Ça entrerait dans les psychoses dans les, Non, aucun dans les des psychoses, deux. Mais non en fait. Okay. Après il a été reclassé dans les... D'abord c'était une psychose, après ça a été reclassé dans les troubles envahissants du développement, dans les TED. Et maintenant c'est un syndrome à part. D'accord. C'est le syndrome du spectre autistique. Et d'ailleurs, je voulais faire un peu la différence entre ce qu'on appelle un symptôme et un syndrome. Ouais. Un syndrome, c'est une combinaison de symptômes. Certains symptômes sont nécessaires à la définition du syndrome. Certains sont additionnels. On n'est pas obligé de tous les avoir. Mais un symptôme, c'est par exemple... tremblement, anxiété... etc. Trouble du spectre autistique. Non, syndrome du spectre autistique, pardon. Vous allez avoir syndrome isolement, trouble des communications, trouble de l'interaction sociale. Enfin, je vais définir un peu plus tard ça. Mais c'est des symptômes. Et donc, ils sont regroupés sous le nom de syndrome. Le syndrome du spectre autistique. Après, vous allez avoir plusieurs formes d'autisme à l'intérieur de ce syndrome. En fonction de la combinaison de symptômes que vous avez... je reprends, parce que tu me regardes avec des yeux. Donc, vous avez syndrome du spectre autistique. Bon, c'est une classe un peu. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs formes. Parce que, bon, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, Robin, chaque individu est unique et on peut pas vraiment... Enfin, il n'y a pas deux personnes qui a exactement le même trouble. Vraiment, il n'y a pas de personne, quoi. Chaque individu est unique. Il a donc des thérapies qui sont vraiment adaptées à sa pathologie en fonction de plein de choses, de s'il y a des origines génétiques, sur des traitements qu'il a eu auparavant, s'il a eu un traumatisme crânien, s'il a eu... pour plein de choses. Un individu est unique. Mais le syndrome autistique va regrouper... Mais comme le syndrome schizophrénique va regrouper plein de petites formes, chacune étant une combinaison de symptômes, en fait. Et des symptômes, vous avez une liste de symptômes, mais si vous combinez A, B, et X et E, ça va vous faire cette forme d'autisme. Vous avez, etc. Bon. D'accord. Peut-être juste pour la distinction entre symptômes et syndromes, on avait Jeanne Durussel qui était venue nous parler de fibromyalgie il y a longtemps sur le podcast, qui parlait aussi de psychiatrie, de psychologie, etc. Du coup, puis qui avait posé quelques définitions. Et j'avais trouvé qu'elle avait fait un truc assez simple, en fait, assez simple à comprendre. Pour le symptôme, elle disait que c'était la manifestation d'une maladie ou d'un processus pathologique exprimé par le patient. Mm-hmm. Donc, il y a le côté subjectif, alors qu'un signe, ouais, c'est objectif, c'est quelque chose qu'on peut voir. Et puis, un syndrome, c'est l'ensemble des signes objectifs et des symptômes. D'accord, ouais. Non, effectivement, c'est ça. Ouais. C'est pas mal, en fait, comme définition. Oui, ouais, c'est ça, ouais, c'est bien. On comprend bien. Okay. Sur le début, je n'étais pas trop d'accord, mais quand tu as dit les deux, c'était bien. D'accord. Bon, parfait. On fait un petit coucou à Jeanne, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais un peu vous exposer la cinquième édition du DSM, donc le manuel de diagnostic de l'AAP, l'Association américaine de psychiatrie. Donc, c'est le manuel le plus utilisé au monde. Bien qu'il y en a un autre qui est assez utilisé, c'est la CIM-10, mais j'en parlerai pas. Mais vraiment, le DSM, c'est celui qui est extrêmement utilisé, mm-hmm, par les psychiatres, les tribunaux, s'il y a la sécurité sociale, etc. Donc c'est ce qui fait autorité. Voilà. Aujourd'hui. D'accord. C'est ça. Bien que oui, donc il y a des controverses, et j'y viendrai, mm-hmm, à la fin. Ok. Pour poser un diagnostic, faut avoir une liste de symptômes et pendant une durée définie, etc. Ils ont essayé de rendre ça le plus scientifique et athéorique possible. Je crois que tu as donné un petit nom au chapitre, enfin la rubrique qui va suivre. Tu as appelé ça Oui, j'ai appelé ça DSM-5 et tais-toi. Donc un peu en hommage à Sois belle et tais-toi. Ok. Pour dire que c'était un peu. Enfin, on avait guère le choix, quoi. C'était si on rentre pas dans les bonnes cases, on n'est pas. Chaque personne est unique, donc du coup, personne ne rentre précis. Enfin, il y a plein de gens qui rentrent pas dans les cases et qui pourtant peuvent être entre deux cases, peuvent avoir un peu de troubles du syndrome du spectre autistique et puis un peu de schizophrénie ou peut avoir aussi des états dépressifs, etc. Enfin, rentrer dans des cases, c'est extrêmement complexe. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu... ça fait loi, oui, le DSM-5. Donc, DSM-5 était toi. Mais voilà. Donc, ça, c'est une nouvelle classification qui est apparue en 2013, enfin fin 2013, la cinquième édition du DSM qui a tout repris et donc qui distingue des grandes classes. Donc, certaines que je vais vous détailler, d'autres moins. Mais après, si vous avez des questions, je pourrais vous détailler un peu plus. Donc, vous avez le trouble du spectre schizophrénique. Donc ça, je le détaille vraiment après. Donc, c'est vraiment celui où je reviens bien. Après, vous avez une autre classe qui est les troubles, qu'ils ont nommé les troubles neurodéveloppementaux. Donc là, happy, quoi. Neuro, il y a neuro. et dedans, vous avez des sous-classes. Donc... vous avez une qui s'appelle les troubles de la communication. Et dans les troubles de la communication, ils ont mis les troubles du spectre autistique. Donc voilà. Donc les troubles du spectre autistique sont dans les troubles de la communication, eux-mêmes dans les troubles neurodéveloppementaux, ce qui est une bonne chose. Parce qu'ils ils reconnaissent que c'est un trouble d'origine neurologique et qui se développe pendant le développement de l'enfant, les premières années de la vie. Mmh. Donc, je vais détailler un petit peu l'autisme. Donc, le terme d'autisme vient du psychiatre Bleuler et vient de auto, pour la notion de tourner vers soi-même, et en fait, est une contraction d'un terme de Freud, donc d'auto-érotisme. Donc, contraction d'auto-érotisme, ça fait autisme. Et oui, c'est assez... Je ne savais pas du tout que ça venait de là, c'est incroyable. Oui, c'est assez horrible. Mystérie et utérus trouvent ça aussi horrible. Et donc, après, on l'a nommé schizophrénie infantile, ce qui était toujours raté. Et après, démence précoce. Donc, voilà. Alors que c'est finalement un désordre neurologique qui survient dans les premiers stades de développement du cerveau. Donc, les symptômes majeurs, donc, le déficit de communication et des interactions sociales, donc un isolement, ce qui est communément assez connu quand on parle d'autisme, bien que, oui, il existe plein de formes d'autisme. de troubles du spectre autistique. Pardon. Donc, des symptômes qui débutent avant 3 ans, des symptômes qui entraînent une vie sociale très limitée, etc. Enfin, il y a plein de critères. Pour vous parler de l'étiologie, donc, on a les études, les recherches ont mis en évidence des facteurs génétiques. Typiquement, si vous prenez des enfants qui sont jumeaux et qui sont monozygotes, c'est-à-dire qui sont du même œuf, des vrais jumeaux, il y a 60% à plus, de minimum 60% de risque que les deux soient atteints de troubles du spectre autistique. D'accord. Donc certains gènes ont été mis en évidence. Également, des facteurs pendant la grossesse. Donc, certains virus qu'aurait la mère pendant la grossesse. Et également, un trouble héréditaire, donc la phénylcétonurie, qui est liée à un déficit enzymatique qui entraîne un retard mental. Et puis, pardon, il y a aussi eu des marqueurs qui ont été vus par les études de neuroimagerie. Donc, des marqueurs cérébraux, certaines structures... Et également des connexions synaptiques qui sont déficientes chez ces patients. Donc, en tout cas, toutes ces recherches ont mis un peu un stop aux écoles de pensée psychanalytique qui expliquaient que l'autisme était dû à une mauvaise relation mère-enfant les premières années de la vie, voire même pendant la grossesse, que la mère était extrêmement froide, qu'elle délaissait son enfant, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Et que l'isolement serait une sorte de protection contre le monde extérieur que l'enfant développerait très tôt. Donc tous ces marqueurs génétiques qu'ont mis en évidence les recherches ont permis un peu d'abolir ça, bien que ça reste encore ancré un peu dans la tête des mères qui se sentent coupables et qui se disent qu'elles ont raté leur vie, tout raté, qu'elles sont des mauvaises mères, etc. Ouais, c'est ça, parce que non seulement, pas de bol, elles tombent sur un enfant qui est pas comme les autres au sens statistique, mais en plus, jusqu'à maintenant, on les a culpabilisées en leur disant « c'est de votre faute, vous avez fait un truc c'est de ça. Faux ». C'est ça. Et puis, typiquement, jusqu'à maintenant, pour traiter l'autisme, jusqu'à il y a peu, jusqu'à 2012, dans beaucoup d'hôpitaux et cliniques, bon, pas tous, hein, mais il y avait une technique qui s'appelait le packing. Donc, ça consistait à envelopper dans des linges froids, voire gelés. Donc des linges qui sortent du congélateur, quoi. Des enfants, donc les bras, le corps, les jambes. C'est une technique qui est utilisée pour des adultes psychotiques. Et le but, c'était d'aider l'enfant à retrouver une image corporelle de lui-même en privilégiant ses vécus sensoriels. Wow. Bon, ça a été interdit en 2012. Donc, pas dans les années 50, en 2012, c'était avant-hier, quoi. Oui, wow. Pas à cause des révoltes des parents et d'associations qui sont formées, comme quoi ils trouvaient ça comme une torture, une dégradation. Donc, ça a été interdit, mais c'est pour dire qu'on n'est pas loin, quand même. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour parler un petit peu de l'autisme. Après, il y a une autre classe, donc c'est... les déficits de l'attention et tout ce qui est hyperactivité. On est quelques-uns autour de la table virtuelle à être concernés. Là. On attend ce que tu vas nous raconter. Ah ouais, mais je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Non, je n'ai pas trop développé ça. Pas de chance. Je ça pour une autre fois. Après, il y a une autre classe, c'est les troubles moteurs. Ça aussi, on en a quelques-uns autour de la table. Non, tu n'as plus tes cannes maintenant, tu marches normalement. Ouais, enfin, je fais quand même des troubles moteurs. Après, il y a ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs. Donc, dans la chatroom. Là, je développe. Il y en a un, c'est la trichotillomanie. Donc, la trichotillomanie, c'est un trouble où on s'arrache de manière compulsive ses cheveux, voire qu'on les mange. Et en fait, c'est un symptôme qui reflète, donc imaginez tout ce que la psychanalyse a pu dire là-dessus, voilà. Mais en fait, c'est un symptôme qui reflète une anxiété exacerbée et c'est un peu une façon de se calmer, d'arracher ses cheveux en recherchant un peu la douleur, l'activation des fibres nociceptives. Et surtout, tout ce qui est sérénité qui suit cette douleur, donc avec la production d'endorphines. Donc, c'est pas comme l'héroïne, mais finalement, on peut y être addict autant. Et donc, oui, exactement, si on les mange, c'est la trichophagie. Et donc, comment t'écris trichotillomanie ? Alors, T-R-I-C-H-O-T-I-2-L-O-M-A-N-I-E. M-A-N-I-E. D'accord. Tu notes, tu peux. Ça va être vachement intéressant de voir comment ça monte dans les... Pourquoi tu connais quelque chose là-dedans ? Tu connais quelqu'un ? Non, mais je suis toujours fasciné de voir les mots les plus incongrus les uns que les autres qui remontent dans le moteur de recherche. C'est ça. Tu veux dire, on est les seuls Français à en parler, quoi. C'est le prochain numéro 1, ça. Et puis autrement, moi je connaissais quelqu'un, j'avais une perruche trichotillomane. Enfin, c'est vrai, elle s'arrachait toutes les plumes. Ah, elle ressemblait à un poulet en fait. Elle a peut-être de l'anxiété. Ouais, sinon, j'ai une question naïve là sur tes classifications. Les phobies, c'est dans les TOC ou c'est encore autre chose ? Ou c'est pas des maladies mentales, je sais pas. Les phobies, c'est dans les troubles de l'anxiété. Donc j'en ai pas encore parlé. D'accord. Donc, attends, je t'en parle juste après du coup. Donc. Dans les TOC, donc vous avez la trichotillomanie et vous avez bien sûr les désordres obsessionnels compulsifs, donc les troubles obsessionnels compulsifs. Donc ça, peut-être que certains ne connaissent pas. Donc c'est des comportements, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est des comportements obligatoires. Donc que le sujet a conscience de se laver 4 fois les mains ou de fermer 3 fois sa fenêtre ou de monter 4 fois les escaliers au lieu de les monter une seule fois pour aller au même endroit. Mais il peut pas faire autrement. C'est un comportement qui va le rassurer. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les TOC. Et pour les troubles obsessionnels compulsifs, donc il y a des thérapies cognitivo-comportementales, également pour les troubles de l'anxiété. Donc j'en parle après. Et également des antidépresseurs. Comme le Zoloft et la sertraline, qui sont assez connus. Et eux, ils agissent en inhibant la recapture de la sérotonine. Mais il y a des effets indésirables très fréquents, tels des comportements dangereux, des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, etc. Et donc, je vous détaille un peu les psychotropes un petit peu après. Mais donc, ici, en sont données, en tout cas. Donc voilà, donc là j'ai parlé des troubles obsessionnels compulsifs et il y a des troubles de l'anxiété, donc où vous pouvez avoir les attaques de panique, les phobies donc sociales, ce qu'on nomme l'agoraphobie, et animales, voire de certains lieux, et diverses formes d'anxiété. Donc voilà, ensuite vous avez ce qu'on appelle les troubles dépressifs, enfin ce que le DSM appelle les troubles dépressifs. Donc là, je fais une petite parenthèse sur les antidépresseurs, donc comme j'en ai parlé il y a 2 minutes. Donc, il y a 4 familles d'antidépresseurs en fonction de comment ça agit, comment ça agit sur le cerveau. Donc, il y en a un, ça augmente la concentration de sérotonine tout simplement en bloquant l'enzyme qui doit la dégrader. D'accord. Donc, ce qu'on appelle l'inhibiteur de monoamine oxydase. Donc, la monoamine oxydase, c'est juste l'enzyme. D'accord, attention, tu atteins ton quota de gros mots, là. Oui, pardon. Donc, il y a ce type-là. Il y en a certains qui, les tricycliques, ils empêchent la recapture de certains neurotransmetteurs. Mm-hmm. Donc, en particulier, la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Mm-hmm. Après, il y a des simples inhibiteurs de recapture de sérotonine. Dans le neurone présynaptique, bon, je vais arrêter un peu avec mes gros mots, juste le dernier, inhibiteur de recapture de sérotonine et de noradrénaline. Voilà, bon, j'arrête avec les gros mots. Donc, c'est énorme, c'était juste pour dire un peu les mécanismes des antidépresseurs. Et après, je vais vous parler un peu des mécanismes des anxiolytiques et des autres psychotropes et des neuroleptiques. Donc après, il y a une autre catégorie qui est assez connue, mais bon, je ne sais pas si c'est intéressant de la développer, c'est les troubles alimentaires, ils sont assez médiatisés. Donc simplement, le moins-moins, c'est anorexie, plus-plus, c'est boulimie. Vous avez l'hyperphagie, donc ça consiste à ingérer, c'est un peu moins connu, à ingérer une grande quantité d'aliments, mais sans comportement vomitif après. D'accord. Donc, le sujet grossit. Et c'est assez marrant parce que par rapport à cette classification, moi, je trouve que les troubles alimentaires, ça pourrait être classé dans les addictions parce que si on lit un peu, l'anorexie ou la boulimie ou l'hyperphagie, ça peut être une recherche. L'anorexie, ça peut être une addiction au rien. La boulimie, une addiction à ou l'hyperphagie, une addiction à manger. Simplement, la boulimie, il y a vomir en plus. Mais une addiction à ce besoin de manger ou cette crainte de manger. Enfin, c'est ce comportement qui rassure dans des situations de stress. Donc ces comportements, on les classerait dans les névroses, dans l'ancienne classification. Donc, D'accord. Ça, en fait, chacune des conditions n'apparaît que sous une seule rubrique. Oui, c'est ça qui est désolant. Ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est assez... oui, désolant. Ouais, donc je pense qu'à un moment, il y a eu un choix arbitraire, on a tranché. Quoi, quand on... Oui, mais ouais. C'est pour dire que ça, c'est la classification qui est reparue en 2013. Ouais. C'est pas celle de 1964. Hein. Ouais. Je veux dire, la première édition, c'était dans les années 1960. Mm-hmm. Mais ça, c'est la dernière updatée. Ok. Et je crois que Irène avait une question. Oui. Oui, c'est intéressant ce que tu dis au sujet des addictions et voir si les troubles de l'alimentation, on pourrait aussi les classer comme cela. Je me demandais, les troubles de l'addiction, ils sont quand même bien définis aussi d'un point de vue chimique dans le cerveau, avec la relation, avec le centre du plaisir, la dopamine, etc. Ouais. Et est-ce qu'on a pu faire la même chose, en fait, du coup, dans les addictions ? Est-ce qu'on a pu mettre en évidence, au final, la même perturbation au niveau neuroendocrinien ? Oui, il y a une perturbation. Il y a un dérèglement du circuit de récompense et du circuit en lien avec l'addiction dans anorexie, boulimie, hyperphagie. Les classifications restent, qu'elles le veuillent ou non, un peu ancrées dans le courant psychanalytique avec les troubles du comportement alimentaire exprimeraient plein de choses pour je sais pas, manger pour combler la boulimie par exemple, ça va être pour combler un vide ou pour combler j'en sais rien, un vide pendant l'enfance, ça va être des choses comme ça, voilà. L'anorexie, ça va être une quête de l'idéal, donc du coup c'est assez classé à part pour ça, quoi. Ouais. Je pense, mais après, je suis pas psychiatre, donc je vais pas me permettre de les classer dans les addictions, mais comme aussi les désordres obsessionnels compulsifs, c'est aussi des comportements qui rassurent, qui sont on est un peu addict à des comportements. Ouais, bien sûr. Désordres obsessionnels compulsifs. Mm-hmm. Et finalement. Je pense, dans certains TOC, par exemple, on va répéter 3 fois un comportement ou 6 fois un comportement ou j'en sais rien, ou 2 fois ou 8 fois. Et puis au début, par exemple, on va le répéter 1 fois. Enfin, si on regarde les patients, ils le répètent 1 fois. Après, ils vont le répéter 2 fois. Après, 3 fois. Après, 4 fois. Et en fait, ils seront jamais finalement... Leur seuil, comme dans les addictions, leur seuil de tolérance, leur seuil d'habituation, il va changer en fonction, ouais, au fil du temps, comme avec les drogues. Donc voilà. Et puis, il y a aussi une autre classe, donc là, j'en ai pas encore parlé, qui s'appelle les troubles addictifs relatifs à des substances. Donc ça, c'est une classe qui est encore parallèle à toutes les autres que je viens de vous citer. Donc là, où vous allez retrouver l'alcool, la caféine... Le cannabis, c'est un psychotrope qui entraîne des états modifiés de la conscience, tout le monde le sait, mais au cas où. Des opioïdes, donc tels la morphine, donc faut pas confondre, ouais, la morphine. L'héroïne, donc c'est là que si vous regardez, je crois que c'est dans Dr House où il prend de la méthadone. Donc c'est la méthadone, c'est pour combler l'héroïne, c'est pour quand on est addict. Et donc là, là-dedans, donc dans cette grande classe-là, ils mettent troubles. Donc dans la grande classe, troubles addictifs relatifs à des substances. Donc il y a toutes ces substances, il y a le tabac et il y a, entre parenthèses, sans substance égale jeu d'argent. Bon. Non, mais je veux dire, et typiquement, même les troubles, les addictions sexuelles, elles ne sont pas dans cette classe, elles sont encore dans une autre classe. C'est pour vous dire que les classes, c'est un vaste bordel, pour être poli. Ouais, et justement là-dessus, plusieurs remarques. La première, est-ce dans quelle classe tu classes la phobie administrative, du coup? Alors ça, c'est de mauvais goût. Bon, plus sérieusement, quand tu décris tes classes, je les écoutais au fur et à mesure, et en fait, on se dit qu'il y en a au moins une, voire plusieurs, dans lesquelles on peut se classer. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont dans aucune des classes? Mais le problème, c'est que voilà, la normalité n'existe pas vraiment. Hein. Bah, c'est tout ça, donc monde, du coup, en fait, on parle de maladie, mais... Mais c'est très désastreux, c'est-à-dire que par rapport au 19e, puis depuis l'apparition du DSM, le nombre de pathologies diagnostiquées a déjà, au début, il y en avait 160, maintenant il y en a presque 300 de types de pathologies psychiatriques, et tout le monde a des troubles. Et le problème, c'est que quand on dit à quelqu'un vous êtes, vous avez, j'en sais rien moi, vous avez une agoraphobie ou vous avez des troubles obsessionnels compulsifs, cette personne, vous la mettez dans une case et puis vous pouvez, si ça se trouve, dans certains cas, vous lui donnez des médicaments, des antidépresseurs, des psychotiques et puis vous pouvez lui flinguer la santé. Enfin, vous pouvez. Justement là-dessus, quand c'est qu'on se met à décider de soigner ces personnes-là en fait quand le sujet lui-même en souffre, et ou alors. Typiquement dans la schizophrénie, ça peut être quand sa famille, ou quand la personne n'est pas majeure aussi. Hein. Mais quand la personne est majeure, c'est quand la personne en souffre ou quand elle a des répercussions sur sa famille, si elle a, si j'en sais rien moi. Quand elle met en danger elle-même ou autrui, quoi. En gros, elle-même autrui, ou qu'elle a des comportements à risque, ou des comportements aussi de kleptomanie, de... Oui, quand elle a des comportements à risque, oui. D'accord. Mais typiquement, on n'a pas le droit de se faire du mal soi-même. Ouais. C'est interdit par la loi. Mais c'est vrai, ça, on n'a pas le droit, c'est-à-dire légalement, il y a un texte qui dit qu'il n'est pas légal de se faire mal. Alors un texte. Irène, va falloir que tu arrêtes. T'es aux États-Unis, mais ça compte pas. J'en sais. Non, mais ça m'intéresse beaucoup. Oui, hein. Non, mais je pense que oui. Hein. Il me semble que oui. Je peux chercher, bah, mais il me semble que oui. Toi, tu aimes te faire mal et tes enfants aussi, visiblement, vu le nombre d'accidents que vous avez. Alors bon. Mais pas du tout. Hein, le nombre de chutes de skate. Non, mais dans certains cas extrêmes, l'hospitalisation peut être faite sans l'accord du patient. À partir du moment où on estime qu'il met autrui en danger ou qu'il se met lui-même. Ou qu'il se met lui-même. D'accord. Si vous essayez de vous suicider, on ne vous laisse pas comme ça, même si vous dites que vous avez envie de rester comme ça. Il y a vraiment des lois pour ça ou est-ce que enfin, après, il doit y avoir des critères. Et alors, quitte à faire agir les clichés, alors si tu ne sais pas, par pitié, dis je ne sais pas, hein, parce que j'en sais rien. Mais autre question, parce que c'est quelque chose qu'on a un peu dans l'inconscient collectif, est-ce que quand on commence à se faire soigner, on peut, et que c'est de notre fait, est-ce qu'on peut choisir délibérément d'arrêter? Ah oui, normalement oui. D'accord. Après, le problème, c'est ce qui est avec... Bah, si tu commences une psychanalyse, tu peux arrêter quand tu veux. Hein. Oui, mais je parle plus de soins plus forts et de médicaments et de suivi hospitalier, par exemple, des choses comme ça. Si t'es adulte majeur, normalement, oui. Enfin, oui, tu peux arrêter. Déjà, après, ça dépend. Si tu es un schizophrène et que tu peux mettre en danger certaines... Enfin, schizophrène, je suis assez méchante de dire ce mot toutes les deux minutes. Mais si t'as certaines pathologies graves, tu peux... Enfin... T'auras 36 000 contre-indications, quoi. Mais après, tu peux signer une décharge. Tu peux signer une décharge comme quoi on t'aura prévenu en long, en large et en travers et que toi, tu t'assumes tout seul. Mais, je voulais préciser d'accord. Qu'en général, en ce qui concerne les schizophrènes, en général, les schizophrènes ne sont jamais dangereux. Hein, donc, il faut quand même aussi faire attention. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet, mais les schizophrènes sont rarement dangereux, en fait. Mais c'est plus même par rapport à leur propre vie à eux. Hein. Oui, alors après, c'est vrai que les gens qui se retrouvent dans des centres de soins, ça peut être ou la famille, ou les médecins eux-mêmes qui considèrent que la personne se met en danger ou met en danger les autres. Et alors du coup, c'est vrai que... Ce qu'il détruit en soi, des fois, c'est même l'hospitalisation, quoi. Oui, c'est vrai que c'est pas simple, hein, bien sûr. Mais en tout cas, il y en a beaucoup aussi qui sont soignés tout en restant à l'extérieur de l'hôpital. Donc oui, bien sûr, ils peuvent arrêter leur traitement, quoi. Je veux dire, c'est pas... Oui, après... C'est compliqué d'obliger quelqu'un... Pas tout ce qui est médicaments. Après, il y a des périodes de sevrage, c'est très compliqué que ça. Parce que c'est des c'est pas un doliprane, enfin je sais pas si. Non, bien sûr. Et juste, je sais pas, moi ce que j'avais entendu, j'ai un copain médecin qui, il se trouve j'étais en colocation avec lui quand il révisait notamment ses classements de troubles mentaux, donc c'est assez drôle, c'était affiché dans les chiffres. En fait, tous les critères, donc je reconnais des trucs. Et ce qui était très angoissant, c'est qu'on se retrouve dans beaucoup effectivement de cases. Et ce qu'il m'avait dit lui, c'était qu'en gros, on avait toutes les chances d'être sujet à des troubles mentaux quand on disait qu'on était dans aucune case. Et que en fait, si on se retrouvait dans plusieurs cases, c'est que globalement, on était à peu près normal, quoi. C'est comme quand on dit aux personnes âgées qui disent ah, ça y est, j'ai Alzheimer, qu'on leur dit qu'ils n'ont pas Alzheimer parce qu'ils s'en rendent compte, quoi. Mais non, mais enfin, vraiment, il faut se mettre ça dans la tête. Personne n'est normal. La normalité n'existe pas. C'est ça. Tout le monde a une personnalité et un comportement déviant un peu de la norme. Enfin, la norme, c'est une moyenne, c'est statistique, la norme. C'est pas. Personne n'est dans la norme. Enfin, si on n'a pas le droit de dire des gros mots. Ouais. Bah, quelqu'un de moyen, déjà, quand même, va avoir du problème au niveau sexuel, mais ça, c'est un sein et une. Enfin, bon, ouais. Non, et sur l'histoire de moyenne et de personne moyenne, ça, c'est un truc assez important où on s'en évade un peu tout doucement, mais ça prend du temps. On peut toujours calculer une moyenne sur un groupe, mais ça ne veut pas dire qu'en effet la personne moyenne existe, et très souvent c'est pas le cas, surtout dans des trucs complexes comme ça, quoi. Enfin, c'est un peu ce que tu disais là et ce que disait Robin en rigolant. Enfin, je trouve ça triste, enfin, je sais pas, délicat, parce que des gens qui font des neurosciences ou des sciences en général, ils aimeraient bien essayer justement de faire des statistiques sur les gens, de les mettre dans des cases, etc., pour pouvoir mieux les comprendre. Enfin, pas pour pouvoir mieux les comprendre, mais oui, enfin, on aime comprendre ce qu'on comprend pas. Donc, du coup, des comportements, ce qui nous paraît étrange, on aime les comprendre. Donc, on aimerait avoir un classement parfait. Mais ce classement, je ne sais pas s'il existera un jour. Mais donc, ça, je voulais y venir un peu après. Mais il y a plusieurs classifications qui essayent de se développer en parallèle au DSM, bien que ce soit lui qui soit reconnu aujourd'hui. Mais typiquement, le NIH, aujourd'hui, là, la branche spécialisée en psychiatrie essaye depuis 2013, depuis la cinquième édition du DSM, de créer une nouvelle classification en opposition à celle du DSM, donc qui est selon eux encore trop freudienne, et que on peut pas coller des gens justement dans des cases, et que qu'il y a une variabilité de l'expression des troubles interindividuels, etc. Et donc oui, le NIH, c'est le National Institute of ici c'est of Mental Health, parce que je rajoute mental, donc voilà. Et donc là, depuis 2013, ils préparent une nouvelle classification en opposition à ça. Et typiquement, là, je lisais cet après-midi le président du NIH, du NIMH, une citation, c'est « Les patients valent mieux que cela », trois points d'exclamation, quoi. Donc, lui, l'Institut, qui est quand même un institut assez reconnu mondialement, le NIH, ne veut plus se baser pour ses recherches sur les neurosciences et la psychiatrie sur les classifications du DSM. Et c'est un peu une des premières fois qu'on lui dit un peu « stop ». Mais ça, c'est tout récent, voilà. Voilà. Après, il y a bien sûr des écoles. Oui, vas-y. Je voulais juste commenter sur le désir de classifier, parce qu'on a besoin de comprendre. Je voulais juste ajouter qu'il y a quand même un impact culturel, économique énorme sur la classification de ces maladies aussi. Oui. C'est super important, d'un point de vue médical aussi, de pouvoir effectivement classer ces malades. C'est vraiment très important. Autant c'est important, autant c'est difficile. Quand on voit l'autisme, maintenant tu en as parlé un petit peu au début, il y a beaucoup de formes d'autisme maintenant, et on commence un peu mieux à comprendre la maladie, mais il y a un impact énorme sur nos sociétés, pour ne citer qu'un exemple. Donc c'est vrai que le besoin, effectivement, c'est un pur besoin curieux de comprendre, mais il y a des répercussions énormes sur nos sociétés, hein. Et c'est vrai que c'est super important de pouvoir classer et le mieux possible, effectivement. Ouais. Oui, il faudrait, mais c'est juste que ce qui existe actuellement, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, mais c'est toujours pas ça. Mais bon, après, faut pas, enfin, moi je le critique, et je le critique pas non plus, le DSM, parce qu'il est pas si mal fait que ça. Enfin, si on essaye d'imaginer le truc parfait, je ne sais pas ce qui serait finalement. D'autant plus que les pathologies changent au cours du temps. Hein. Les syndromes de comment on dit en français, de manque de déficit d'attention à l'école, etc. C'est des choses qui évoluent avec le temps en plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est clair, ça dépend du contexte spatio-temporel dans lequel est le trouble. Donc voilà, du coup, je continue un petit peu. Pour vous donner d'autres grandes classes. Donc là, il y avait les troubles alimentaires. J'ai dit l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Et puis, il y avait aussi PICA, ce qu'on appelle PICA. Je ne sais pas si des gens connaissent. C'est souvent chez le petit enfant, mais ça peut être à l'âge adulte. Et c'est l'ingestion de substances non nutritives de manière addictive. D'ailleurs, là, ils disent de manière addictive. Donc typiquement, on mange de la... Enfin, les bébés ont, moi je suis tout le monde, on mange de la terre, du papier, généralement c'est une seule, mais de manière addictive. Ça peut être aussi de la craie, voilà. Consommer les Pokémon de manière addictive, ça n'a rien à voir. Si on mange les cartes, ça peut. Voilà, après il y a une autre classe qui s'appelle les troubles du sommeil, donc insomnie, hypersomnolence, narcolepsie. Après, il y a une autre classe qui s'appelle les troubles paraphiliques. Donc ça, c'est des troubles en lien avec la sexualité. Dedans, il y a voyeurisme, exhibitionnisme, masochisme, pédophilie et fétichisme. Après, il y a les troubles addictifs relatifs à des substances. Donc ça, je vous en ai parlé. Et encore, il y a certaines classes que je ne vous dis pas. Il y a ce qu'ils appellent les troubles de la personnalité. Donc ça, je trouve que c'est une classe assez intéressante parce que elle regroupe trois clusters qui sont un peu des tendances à avoir une personnalité qui tend vers un état. Donc typiquement, il y a le premier cluster. Pour moi, il a un peu une tendance psychotique, c'est-à-dire que dedans, il y a ce qu'on appelle les troubles de personnalité paranoïde, les troubles de personnalité schizoïde et les troubles de personnalité schizotypique. Donc, c'est des gens qui n'ont ni schizophrénie, qui ne sont pas paranoïaques. Ils n'ont pas une maladie, mais ils ont un état. Maintenant, ils ont encore une maladie parce que c'est une trouble de la personnalité paranoïde, une trouble de la personnalité schizophrénique, etc. Mais c'est plus léger, c'est une tendance. Ils ont un symptôme en particulier, ils n'ont pas tout le syndrome. Donc, typiquement, le trouble de la personnalité paranoïde, ça va être plus de l'apparition de délire. Le trouble de la personnalité schizoïde, ça va être ce qu'on appelle un émoussement affectif. Pas d'émotion, une apathie émotionnelle, pas d'émotion. Une personne assez asociale qui fuit les relations, qui s'exclut lui-même. Et schizotypique, c'est aussi isolement, mais en plus délire. Donc c'est un peu paranoïde plus schizoïde. C'est les deux, ouais. D'accord, c'est le combo. Voilà, mais c'est encore pas la totale. Il y a mieux. Voilà. Et après, il y a l'autre tendance, le deuxième cluster, qui est un peu plus une tendance névrotique, mais bon, encore une fois, c'est un mot bateau. Donc c'est une tendance, voilà. Ils ont mis une tendance, un trouble de la personnalité avec une tendance antisociale, une tendance borderline, une tendance narcissique. Voilà, et puis après, il y a quelques autres clusters un peu compliqués. Donc ça, c'était pour les troubles de la personnalité. Et après, il y a certaines autres grandes classes. En vrai, il y en a 20, donc je ne vais pas toutes vous les dire. Là, je vous en ai peut-être dit 8 ou quelque chose comme 8. Il y a les troubles dissociatifs, il y a les troubles des conduites. Dedans, vous retrouvez la kleptomanie, la pyromanie. Il y a les troubles seulement liés au stress. Donc, dedans, vous avez le stress post-traumatique. Enfin, ils ont essayé de mettre les pathologies dans des cases, en gros. Donc, maintenant que je vous ai un peu gonflé avec le classement, je vais vous détailler un peu plus la schizophrénie. Donc, voilà. Donc, la schizophrénie, ça vient de schizo et phrénie. C'est-à-dire fendre, schizo. Et phrénie, c'est esprit, donc esprit fendu. Donc c'est pas mal cette fois comme origine. Et en fait, c'est pour refléter un peu la dissociation dans l'esprit schizophrène. La schizophrénie est caractérisée par 3D, la vision 3D. Mmh. Donc les 3D, c'est la discordance émotionnelle, la dissociation de la pensée, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un flux de pensée assez illogique. Donc voilà, discordance. Dissociation, et délire paranoïde. Donc là, ils vont avoir des sentiments de persécution, ils vont avoir le sentiment qu'on leur vole leurs idées, parfois également de la mégalomanie, enfin plein de délires. Donc voilà, ça c'est les 3D, c'est un peu pour retenir. Discordance émotionnelle, dissociation du raisonnement et délire paranoïde. D'accord, mais donc quand on est face à un schizophrène, à une personne schizophrène, atteinte de schizophrénie, je devrais dire, on voit forcément, enfin, on constate ces 3D ou on constate un peu de l'un, un peu de l'autre. Enfin, c'est quoi ? Il y a forcément les 3D pour établir le diagnostic de schizophrénie ou... Alors, il en faut 2 sur 3. D'accord. Mais après, il y a des combinaisons. Dans chacun, il y a des listes de critères. Ça va être des grands critères et sous, il y a des sous-critères. Et il faut avoir un certain nombre de critères pendant une durée définie pour avoir ce diagnostic. D'accord, donc, c'est pas juste, tiens, il n'est pas logique dans son discours, tiens, il est pas trop d'accord avec lui émotionnellement, tiens, il est schizophrène, non. D'accord. Mais là aussi, on a essayé d'établir une grille. Oui, plusieurs fois. Là, elle a été encore toute refaite cases. En 2013. D'accord. Donc oui, il y a tout plein de petites cases, c'est clair. Donc, je vais vous en dire quelques-unes. D'abord, donc c'est un trouble qui apparaît à l'âge adulte. Donc vers 17-18 ans, chez les garçons, plutôt vers 20-20 ans chez les filles. Vers 20-21 ans, pardon, chez les filles. Généralement, je ne veux pas tout mettre dans le même panier, mais normalement, il y a une anosognosie. Donc, une anosognosie. Une anosognosie, c'est une non-conscience du trouble. D'accord. Anosognosie. Okay. C'est-à-dire que le patient, il n'a pas conscience de son trouble. Donc, voilà. Je répète 4 fois parce que c'est pas si facile. Donc d'ailleurs, ça rend très compliqué les traitements ou l'hospitalisation quand le patient pense qu'il est totalement normal et pense en plus qu'il est persécuté par la terre entière et que dans certains cas, il peut se prendre pour une réincarnation de quelqu'un. Donc, c'est dans toutes les formes des délires. Et donc, c'est vraiment pas évident quand il y a une anosognosie qui apparaît dans de nombreuses, entre guillemets, psychoses. Donc déjà, les classifications distinguent depuis assez longtemps des symptômes qui disent positifs et des symptômes qui disent négatifs. Donc positif ou productif et négatif ou déficitaire. Donc c'est pour essayer de clarifier un peu les choses. Donc, alors, les symptômes positifs, c'est des productions, donc productifs, qui s'ajoutent à la réalité. Donc, c'est là que vous allez avoir tout ce qui est hallucination, délire, et ces symptômes qui vont être pris en charge par des antipsychotiques. Donc, les hallucinations, c'est typiquement des hallucinations de tout type sensoriel. Ça peut être prédominance visuelle et auditive, mais ça peut être tactile, ça peut être olfactif, ça peut être gustatif, etc. Donc, tu peux entendre des voix imaginaires, voir des animaux qui l'attaquent, etc. Mais ça, c'est des productions de son esprit. Alors que les délires, c'est une déformation à partir d'indices qui existent dans la réalité. Donc, typiquement, quelqu'un lui a mal rendu de l'argent à la boulangerie, il va se sentir persécuté et visé comme... Si on voulait le tuer ou... Enfin, après, chaque patient a ses délires propres, n'a pas toujours des délires, mais quand il en a, il a ses délires propres. Donc ça peut être aussi des... Donc comme je disais tout à l'heure, des vols de pensée ou qu'il a l'impression qu'on lui impose des idées, donc que son esprit lui appartient plus, que quelqu'un pense à sa place. Et également donc de la mégalomanie, qu'il y a plein de formes de délire qui existent. Donc ça, c'est ce qui concerne les symptômes positifs, donc qui s'ajoutent à la réalité. Et après, de l'autre côté, vous avez les symptômes négatifs ou déficitaires. Donc là, eux, ils reflètent le déclin de capacité cognitive. Donc là, ça peut être des troubles de mémoire, d'attention, de concentration, de raisonnement. Donc là, vous avez des phrases sans qui n'ont pas de lien, des néologismes. Donc ça, c'est l'invention de nouveaux mots. Bon, ça peut arriver chez tout le monde, hein, mais en l'occurrence, c'est plus fréquent. Celui qui a pondu trichotillomanie, là, maintenant, on sait de quoi il souffrait. C'est ça. Au passage, pour aider à visualiser les gens, à nos anosognosies dont tu parlais, Robin nous fait remarquer que c'est l'excuse qu'a donné Chirac pour ne pas aller au tribunal. Ah bon ? Donc, c'est a priori ce dont serait atteint Chirac. D'accord. Voilà. Oui, c'est bien vu, ça. Mais profiter de l'interruption. En même temps, c'est assez pratique, tu vois. Enfin, c'est ça qui est aussi délicat avec les troubles psychiatriques, c'est qu'on peut aussi se cacher derrière. Enfin, il y a certaines choses qu'on peut pas mimer, et puis si on n'arrête pas de dire que non, c'est pas non, c'est pas non, c'est pas, il y a un moment, le psychiatre ou le psychologue ou le psychiatre qui est un médecin, il est censé, enfin, il doit, s'il a pas d'indice biologique, il doit faire confiance à ce que lui dit le patient ou. Et après, bon, au témoignage de la famille, etc. Mais c'est très compliqué dans les situations juridiques. Donc voilà. Donc ça, c'était les symptômes positifs, les symptômes négatifs. Après, vous avez le DSM-5. Lui, il sépare... Déjà, vous aviez le DSM-4 avant. Donc, il avait séparé plusieurs sous-formes de schizophrénie en fonction, justement, d'une prédominance de symptômes positifs ou de symptômes négatifs. Donc, comme c'était hier, j'en parle quand même, parce que donc il y avait la forme ébéphrénique. Donc, la schizophrénie ébéphrénique, c'était là où vous aviez surtout des symptômes négatifs. Mais pas ou peu d'hallucinations et délires. Donc, Alan, tu me demandais tout à l'heure, ces gens avaient ni d'hallucinations, quasiment pas, ni de délires, mais ils avaient une désorganisation de la pensée globale, et ces gens étaient diagnostiqués dans la case schizophrénie ébéphrénique. Après, il y avait la schizophrénie paranoïde, où là, justement, il y avait des symptômes positifs, donc production d'hallucinations, de délires, qui sont multiformes et très présentes et qui envahissent la vie du patient, mais peu de troubles négatifs. Et après, il y avait la forme catatonique. Donc elle, c'est la seule qui est restée dans les classifications. Ou donc ça, c'est la présence de stéréotypie, donc assez une rigueur, une rigidité musculaire, des troubles de la motricité, qui peut aussi être associé à certains troubles du langage et donc le mutisme versus la logorrhée, donc production énorme. Mutisme, c'est ne pas parler. Mutisme, on dit rien. On dit rien alors qu'on n'a pas d'atteinte des zones du langage. C'est pas une dysphasie, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que mutisme, c'est ce qu'on qualifie de troubles psychologique ou psychiatrique, ou dans le sens où il n'y a pas d'atteinte, soit dit, enfin, normalement, il n'y a pas d'atteinte cérébrale, mais il n'y a pas de parole. Alors que dans les troubles dysphasiques, vous avez une atteinte des zones du langage. Donc, mais vous voyez un patient, vous, là, d'accord, tout de suite, vous ne savez pas s'il a une atteinte ou pas. Vous ne savez pas s'il est du mutisme ou de l'aphasie, okay, de la dysphasie. Tu avais l'air d'avoir un petit doute dans la formulation quand tu disais ça. Ce que je comprends de ton petit doute, c'est que la dysphasie, on sait la diagnostiquer avec les outils d'aujourd'hui. Et puis le mutisme, on ne sait pas encore, on ne voit rien pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans le cerveau. Bah, typiquement aussi, on peut employer ce mot chez les enfants qui ne veulent pas parler. Mm-hmm. Des enfants qui ont peut-être parlé un petit peu avant, donc on est sûr qu'ils savent parler, qui sont arrêtés de parler à cause, cas par cas, ça peut être un traumatisme. Ça peut être une réaction émotionnelle face à un traumatisme psychologique, mais en soi, si on les passe à l'IRM, qu'on lui fait un électroencéphalogramme, qu'on lui fait des tests génétiques, etc., il n'y a rien, quoi. Donc ça serait plus le mutisme. D'accord. Ok, la distinction est très claire. Voilà, alors que... Voilà. Donc aujourd'hui, le DSM-5 a séparé ce qu'il appelle la schizophrénie tout court, symptômes positifs, négatifs, plus catatonie, c'est tout le monde là, c'est ébéphrénique, plus paranoïde, plus catatonie, donc c'est hallucination, plus délire, plus trouble émotionnel, plus trouble de la mémoire, plus trouble de l'attention, plus trouble de la motricité, égale schizophrène. C'est un vaste désordre, mais c'est la schizophrénie actuel dans le dernier DSM-5, parce que il a voulu enlever ses sous-catégories ébéphréniques, paranoïdes, catatoniques. Donc celles-là sont virées dans la dernière édition. D'accord. Et à côté, du coup, il a formulé deux nouveaux troubles qui sont apparus, qui sont le trouble catatonique. Donc là où on a, c'était comme la schizophrénie catatonique. Exactement pareil, sauf que ça s'appelle plus schizophrénie catatonique, ça s'appelle désordre catatonique. Il n'y a plus le mot schizophrénie. D'accord. Donc, c'est des troubles moteurs des paralysies, des comportements répétés, ce qu'on appelle des stéréotypies, qui est très particulier. Donc voilà, donc maintenant je vais un peu, donc oui, c'est extrêmement compliqué, mais c'était pour donner déjà un aperçu de comment ça pouvait être sans vous donner trop les détails. Donc je vais vous parler un peu de l'étiologie actuelle de la schizophrénie. Donc l'étiologie, c'est l'origine du trouble. Donc, comme vous avez pu le deviner, elle est très complexe et elle est plurifactorielle. Mais les dernières recherches ont montré qu'il y a déjà des perturbations pendant la grossesse, pendant le développement fœtal, et donc en lien avec des possibles problèmes de malnutrition chez la mère. Encore une fois, un facteur viral. Également, un stress exacerbé pendant la grossesse. Et ça a pour conséquence, qu'à part cas, encore une fois, une désorganisation des connexions synaptiques chez le jeune enfant. Après, il y a des facteurs qui sont des prédispositions à un développement de la schizophrénie. Et d'ailleurs, ce que je viens citer en sont. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre mère a le virus XYZ ou a une malnutrition et un déficit de tel truc pendant sa grossesse que vous allez être schizophrène ou vous allez avoir un trouble de la personnalité schizophrénique. Il y a des prédispositions et après, il y a une interaction avec certains facteurs environnementaux. Donc, tout n'est pas déterminé. Voilà. Donc typiquement, un sujet ayant des prédispositions à développer la schizophrénie peut avoir comme facteur déclencheur, par exemple, la consommation de drogue pendant l'adolescence. Un sujet, oui, donc qu'à ses prédispositions, il consomme de la drogue pendant l'adolescence, il va développer une schizophrénie qu'il va garder à vie, alors que ce même sujet, qui a cette prédisposition, même très forte, s'il ne consomme pas cette drogue, ne développera peut-être normalement jamais cette schizophrénie. Donc c'est pour illustrer le fait que l'environnement interagit avec... On n'est pas prédéterminé à avoir une maladie. On peut avoir des prédispositions, mais on a ce qu'on appelle l'épigénétique qui va interagir avec... Oui, donc là, oui, je ne parlais pas de génétique, mais l'épigénétique va interagir avec l'expression de certains gènes. Parce que il y a des prédispositions génétiques à la schizophrénie. Mmh. Il y a aujourd'hui donc il y a beaucoup d'études qui travaillent là-dessus. En l'occurrence, de nombreux locus ont été mis en évidence. Donc pour en citer quelques-uns, sur le chromosome 6, sur le chromosome 22, sur le chromosome 8, sur le 3, sur le 16, sur le 1 et sur le 15. Un peu partout, quoi. Oui, qui ont mis en évidence plus d'une trentaine de gènes impliqués dans la schizophrénie. Donc, on ne peut pas non plus dire qu'il y a un gène de la schizophrénie, loin de là, vraiment loin de là. Non seulement il n'y a pas un gène de la schizophrénie, mais en plus, l'expression de ces derniers interagit avec l'environnement dans lequel le sujet évolue, même pendant la grossesse. Donc, c'est pour vous dire... qu'on n'est pas prêt de prévoir avec une fiabilité totale que quelqu'un va être schizophrène. Donc voilà. Ah oui, je voulais vous parler un peu des données de neuroimagerie. Donc il y a beaucoup d'études de neuroimagerie qui portent sur la schizophrénie, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, peu de résultats convergent et dépendent des formes de schizophrénie. Donc encore une fois, chaque sujet est unique. Hein, je l'aurais assez répété. Mais des données d'IRM fonctionnelles, ont montré qu'il y a apparemment l'implication de structures préfrontales. Donc l'activation de structures préfrontales, donc en avant du cerveau, serait différente de chez les sujets entre guillemets sains statistiquement, comme tu disais tout à l'heure, c'était pas mal ça, pour se dégager. Donc et les zones préfrontales sont en lien avec, chez le sujet normal, entre guillemets, sont en lien avec les capacités de raisonnement, d'abstraction, de mentalisation, d'organisation de la pensée. Donc ces troubles, l'activation préfrontale, reflèteraient les déficits chez des patients schizophrènes. Il y a aussi apparemment des mauvaises routes empruntées par... l'information dans le circuit émotionnel connu. Donc, je ne vais pas refaire le cerveau, mais y a un circuit assez connu de structures en lien avec les émotions, de structures assez profondes. Et donc, il y aurait un déficit d'activation de ces structures chez les patients schizophréniques. Ça paraît rien comme ça, mais typiquement, dans énormément... vous scannez un patient avec une dépression ou avec des troubles alimentaires, et encore les troubles alimentaires, oui. Bon, enfin, avec beaucoup de troubles, vous n'avez aucune différence d'activation de structure. Et là, il y a des vraies différences. C'est pour dire qu'il y a des vraies... Il y a des vraies données en neuroimagerie là-dessus. C'est-à-dire, pour bien comprendre, donc, oui. Typiquement, on a identifié, je ne sais pas moi, un circuit du bonheur et un circuit de la tristesse. Et puis, chez certaines personnes, c'est l'un qui va s'activer à la place de l'autre. C'est ça, carrément ? C'est ça. Ah ouais, waouh. C'est ça. Après, encore une fois, même chez le sujet sain, le circuit du bonheur, comme tu dis, le circuit de la tristesse, c'est pas tout à fait clair. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a, pour le moment, il y a le circuit des émotions. Donc, après, il y a pas vraiment le circuit... Enfin, si, il y a la peur, quand même. Ouais. Il y a des choses en lien avec la tristesse, mais pas... c'est pour dire ouais. que c'est le sujet normal, c'est pas clair. D'accord. Donc, c'est le sujet atteint, c'est encore moins clair. Okay. Mais ce qui est assez intéressant... Une grosse bêtise. Hein. Non. Ce serait pas... bah, si, le bonheur n'est pas une émotion, en fait. Ce serait la joie, je crois. Oui, dans le classement des émotions, ouais. oui. Ouais. Mais bon, ça, encore, c'est un classement. Hein. Ouais, bah. Mais... pour parler du classement, mais oui, mais ça reste intéressant quand même, parce que là, vous allez me dire que c'est pas du tout intéressant la neuroimagerie, qu'on s'en fout, mais ça reste intéressant pour, par exemple, si on fait des études cliniques, donc en recherche, et vous allez tester l'effet d'un médicament chez la moitié des patients, et pas ce médicament chez l'autre moitié. L'autre moitié aura une thérapie comportementale, par exemple, mmh. ou aura un autre type de médicament, ou aura rien. Bon, encore là, comme tu disais au début, Nico, il y a le double aveugle. Mais ce qu'on veut dire, c'est que on peut voir la prise de certains médicaments, en l'occurrence certains psychotropes, pour schématiser, remettre les bonnes routes dans le bon ordre, quoi. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'après la prise pendant tant de temps d'un psychotrope chez un type de patient donné qui correspond aux critères XYZ, va au bout de, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, selon, on va revoir des activations qui sont les mêmes que dans la norme statistique, dans l'interaction sociale, ouais. dans les zones visuelles, etc. Okay. Donc voilà, donc c'est pour dire aussi ce que peuvent apporter la neuroimagerie. Concernant la prise en charge, donc il y a un risque de tentative suicide. Oui, je suis en train de voir que ça fait un petit moment que je parle. J'ai bientôt fini. Un risque de tentative de suicide assez élevé. Donc comme je disais tout à l'heure, certaines hospitalisations sans consentement sont possibles, dans certains cas encore une fois. Mais donc quoi qu'il en soit, il y a une prise en charge psychologique et la prescription de certains traitements cas par cas. Donc les connus, c'est ce qu'on appelle les benzodiazépines. Donc c'est des psychotropes qui sont utilisés dans le traitement de l'anxiété, des convulsions. Et donc eux, ils agissent sur les neurones GABAergiques qui sont le GABA, c'est connu pour en tant qu'inhibiteur. Donc le but, c'est d'inhiber massivement le système nerveux central. Donc en gros, c'est shooter. Le plus connu, c'est le Valium, qui est lui un anticonvulsif et un anxiolytique. Il y a aussi le Xanax, qui est anxiolytique et pas anticonvulsif. Ou le Rivotril, qui est anticonvulsif, lui, pour le coup. Donc ça, je vous dis des connus. Après, il existe plein de déclinaisons, autorisées ou pas dans certains pays, selon. Mais donc tous ces médicaments, il y a un sevrage très difficile, une accoutumance extrêmement rapide, donc c'est très dangereux. Ça devient des drogues et plein d'effets secondaires et de contre-indications. Ce qui est assez dommage, c'est qu'il y a des réactions paradoxales en fonction de l'individu. Donc ça va shooter certains et puis d'autres, ça va pas du tout les shooter. Ça va au contraire leur faire prendre des risques. Ça va les désinhiber, etc. Ça peut être dangereux. Et certaines études montrent même que la prescription de benzodiazépines aurait un potentiel lien avec la survenance de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est très loin d'être tout rose, quoi. Donc, en fait, là aussi, ce que je voudrais dire, c'est que quand on prescrit ces médicaments, on soulage surtout l'entourage à court terme, mais on ne soigne pas vraiment le syndrome. On soigne des symptômes, là, typiquement. On soigne des manifestations de la pathologie. On va soigner une hallucination, on va soigner des convulsions, mais on ne va pas soigner la maladie. Voilà, donc voilà. Il y a également les neuroleptiques qui, eux, agissent sur les récepteurs dopaminergiques en les inhibant. Donc, la dopamine étant en lien avec la régulation des émotions dans des cas d'anxiété très forte et de délire. Donc, faut éviter ces achats pharmacologiques au maximum. Hein. Mais oui, donc certaines filières peuvent, certains grands groupes, certaines grandes filiales peuvent inciter la prescription et également la famille du patient qui peut faire pression sur le médecin pour qu'il en prescrive. Oui, parce que ces médicaments ne sont pas disponibles sans prescription, bien sûr. Donc voilà, donc là c'était pour parler un peu de l'approche du DSM. Après, je sais pas si je continue ou... Sur les classifications diverses. Après, en fait, je voulais vous expliquer un peu en live comment se passe un diagnostic. Bah ouais. Et également. Justement, on avait des exemples de sujets dans la chatroom. Bah du coup, j'en parle un peu rapidement. Il y a ce qu'on appelle une anamnèse qui est faite. Une anamnèse, c'est quand on... aujourd'hui, on va classer les mots par ordre de complexité. Anamnèse, c'est quand on retrace l'histoire du sujet, en fait. L'histoire personnelle et familiale. Après, ce qui est, entre guillemets, marrant, pendant l'entretien, le patient est extrêmement observé. Donc, le psychiatre ou le psychologue dépendant, ou les deux, observe le comportement moteur du patient, donc s'il a une latéralité, etc., des mouvements. Le comportement visuel, s'il fuit les regards, s'il explore tout son environnement, si typiquement le bébé de Robin. donc le comportement visuel, la communication verbale, si elle est fluide, s'il se répète, s'il invente des mots, etc. S'il est apathique, donc s'il a des troubles émotionnels, s'il a une instabilité de l'humeur globale, des troubles attentionnels également. Et donc, on va lui faire passer une batterie de tests de neuropsychologie qui eux-mêmes sont adaptés à l'âge du patient. Donc, ce qu'on appelle l'âge réel et l'âge développemental. Donc, l'âge réel, donc, c'est son âge au moment M. Et l'âge développemental, c'est par exemple, s'il a un retard mental, il va avoir 12 ans et un âge développemental de 6, par exemple. On l'entend souvent. Donc, on adapte les tests en fonction de ça, de l'âge réel et l'âge développemental. Et donc, là, on va tester les différents systèmes mnésiques, donc les différents types de mémoire. Ses perceptions visuelles, auditives, olfactives, tactiles, etc. Ses processus attentionnels, ses capacités de raisonnement, de calcul, de mémoire de travail. Donc, par exemple, on va lui demander de répéter une séquence de nombres dans le sens inverse. On lui cite des nombres et puis il doit le répéter à l'envers. Ou alors il doit switcher entre des règles pour des types d'exercices. Donc ça paraît simple, mais c'est assez compliqué. On va tester son langage, son écriture, sa coordination motrice, donc toute une batterie de tests de neuropsy. Si possible, on va lui faire une prise de sang pour faire des analyses génétiques, pour voir s'il y a des mutations. Donc une délétion ou une duplication de certains endroits sur certains chromosomes. Si possible aussi, si ces tests sont positifs, et même s'ils ne le sont pas, c'est toujours intéressant d'avoir de faire des analyses génétiques chez les parents, voire chez les autres membres de la fratrie, voir chez des proches. Après, si on peut lui faire passer de la neuroimagerie, on est content, mais ça, ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire qu'il participe à une étude, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors que tout ce que je vous ai dit avant, c'est plutôt le cas. Ce qui est fait, c'est des diagnostics différentiels. Donc, encore une fois, Dr House. Typiquement, on peut se tromper avec le trouble bipolaire que je ne vous ai pas détaillé. On peut le confondre avec un trouble de la thyroïde. Alors bonjour quoi, parce que dans le trouble bipolaire, ce qui est fréquemment prescrit, c'est le lithium. Alors prescrire du lithium chez des gens qui ont une mauvaise régulation de la thyroïde, c'est pas le top. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, mettre quelqu'un dans une case, dire à quelqu'un qu'il est bipolaire, alors qu'il a un trouble de la thyroïdie, ou même qu'il a des troubles pas loin de la bipolarité, mais qu'il n'est pas forcément bipolaire. Enfin, le fait de le même mettre dans une case, même si on ne lui prescrit pas du lithium ou des anxiolytiques, etc., il peut faire des dépressions ou mentaliser des troubles qu'il n'a pas. Comme par exemple, si on prend l'exemple des membres fantômes, le sujet va réellement percevoir un membre qu'il n'a plus. Le membre fantôme, pour expliquer en deux mots, c'est quand on a perdu sa jambe et puis qu'on va toujours souffrir perdu sa jambe, perdu un membre et qu'on va toujours souffrir comme si on avait mal à cette jambe alors qu'elle a disparu. Donc, ça paraît fou, ça, mais c'est de la somatisation, de la psychosomatisation. Et donc c'est pas Freud qui l'explique, c'est des neurosciences. Donc voilà, et donc faut faire très attention avec les diagnostics différentiels. C'est pareil, ne pas mélanger. À l'époque, si on allait dire à quelqu'un qui avait des troubles de l'épilepsie, qui est une maladie neurologique, et elle avait une hystérie de conversion, en l'occurrence. Alors, pour vous dire, une hystérie de conversion. Hystérie de conversion, ouais. C'est quoi ça? Alors, quand on a une épilepsie, on est content. Ça reflète une conversion somatique, justement, une somatisation de l'énergie qui provient d'un conflit sexuel inconscient. En gros, ouais, on a des problèmes sexuels et on les refoule et on les exprime en faisant des crises. Donc, oui, on se lâche, en gros, et on fait une grosse crise. Et donc, l'école freudienne appelait ça l'hystérie de conversion. Et puis aujourd'hui, on sait qu'il y a un foyer épileptogène et puis il y a une crise d'épilepsie. L'épilepsie, plein de formes d'épilepsie. Mais je veux dire, en tout cas, on est bien loin de l'expression d'un conflit sexuel refoulé. Hein. Ouais, bon, on s'en doutait. Donc, voilà. Et puis, je vais peut-être arrêter là. Sauf si vous avez peut-être des questions, sans doute. Ouais, il y en a tout plein. Oh là là. Ouais, alors, j'y vais ou quelqu'un d'autre veut les poser, veut les relayer les questions? Moi, j'avais relayé des questions, donc comme j'ai oublié de mettre le nom dans la première, je vais le redire, c'est Gépif, si je dis pas de bêtises. Il demandait si, en disant peut-être qu'il disait peut-être une connerie, il se demandait s'il n'y avait pas une histoire de l'invention du vibromasseur pour traiter l'hystérie. Alors, j'en fiche rien, hein, mais l'hystérie était hyper reliée à la sexualité. Enfin, la façon de la guérir à l'époque... c'était le mariage ou la sexualité. Et c'était à l'époque. Là, c'est, pour le coup, c'est vraiment de l'époque. Et c'était des femmes qui étaient pas satisfaites sexuellement et que du coup, elles s'exprimaient comme ça. Et que du coup, c'est possible qu'il l'ait lu quelque part. Après, ça m'étonnerait quand même que ça soit... D'accord. Ça m'étonnerait, oui. Mais bon, enfin, l'hystérie est hyper liée à la sexualité, oui. Sinon, on avait une question de Rémi. Je pense que c'est des choses auxquelles tu as un peu répondu déjà, qui disait « Mais on fait une dépression quand on a des TOC, et sinon, pourquoi des antidépresseurs ?» Donc, il se posait la question de... Enfin, est-ce que c'est grave d'avoir des TOC, j'imagine, un peu, si je me trompe pas dans ce qu'il voulait dire. Est-ce que c'est grave d'avoir des TOC? Je pense que c'est ça qu'il demande. Quand il dit « On fait une dépression quand on a des TOC », il demandait comme question. Dans le sens où... Oui, on peut faire une dépression parce que typiquement, c'est le sujet a totalement conscience de son trouble et il est désarçonné face à lui-même, en fait. Pour lui, il est totalement normal, mais il a un comportement qu'il ne comprend pas. Donc oui, ça, c'est pas normal, il le reconnaît, mais il ne peut pas s'en défaire, donc... Oui, il peut entrer en dépression. Il y a certains cas extrêmes de TOC qui peuvent aller à la tentative de suicide. Après, les TOC sont plutôt bien pris en charge par rapport à beaucoup d'autres pathologies, avec donc les thérapies cognitivo-comportementales, qui traitent aussi donc les phobies, où on va réapprendre progressivement le sujet à se détacher ou à reporter son angoisse, son anxiété sur autre chose, ou à la mentaliser, parce que oui, ces sujets ont totalement conscience. Donc, en soi, ils peuvent très bien vous expliquer ce qu'ils ont, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils le font. Et donc, c'est ça qui entraîne la dépression. Donc, il y a ces thérapies-là qui sont relativement efficaces. Les antidépresseurs aident, ne sont pas toujours prescrits. Faut éviter à mort de les prescrire, mais bon, ça peut soulager le patient. Et ils sont, dans une bonne partie des cas, efficaces. Mais après, il y a tout le problème du sevrage et de l'addiction à l'antidépresseur. Parce que quand on l'arrête, même progressivement, on n'a pas redétoc. Donc, c'est toujours mieux de passer outre les médicaments. Mais je ne sais pas si j'ai répondu. Et oui, la dépression, là, c'est pas le syndrome dépressif. Là, c'est vraiment un symptôme consécutif au TOC. Ok. Si je pouvais me permettre aussi, on comprend de mieux en mieux la dépression. C'est maintenant, justement, avec l'IRM fonctionnel. Et les troubles de la dépression, c'est donc des troubles qui sont liés aux troubles de la sérotonine. Et le problème, c'est que maintenant, on se rend de plus en plus compte qu'il y a une chaîne de régulation en aval, je dirais, des neurones qui contrôlent la sérotonine. Et certains de ces neurones qui sont en aval peuvent aussi avoir des dysfonctionnements, on va dire, qui entraînent d'autres troubles, en fait. Donc, d'un point de vue purement neurologique, maintenant, on comprend un peu mieux, justement, le lien entre différentes pathologies et pourquoi, dans de nombreux cas de maladies, on va les dire, ou de troubles mentaux, il y a souvent une dépression qui est associée. Et c'est parce qu'il y a toute une chaîne de régulation au sein du cerveau qui font qu'à la fin, au final, vraiment, il y a aussi un trouble de la sérotonine qui entraîne un trouble de la dépression, en fait. Donc, il y a récemment eu quand même pas mal de travaux qui ont réussi à prouver justement ou à comprendre justement ces liens de pourquoi finalement quelqu'un qui va avoir envie de se laver les mains toutes les 30 secondes aura aussi tendance à être déprimé. A priori, il n'y a pas tellement de raisons, on pourrait penser. Mais c'est vrai que d'un point de vue neurologique, ça s'explique de mieux en mieux maintenant. Voilà. C'est aussi pour ça quoi, que les antidépresseurs ont une bonne action. Exactement. Ouais. Sur la sérotonine, ouais. Mm-hmm. La recapture, ou, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 4 types. Okay. Mais en lien avec la sérotonine majoritaire. Et pour revenir rapidement sur la première question qui avait été posée, je suis allé faire un petit tour sur la page Vibromasseur de Wikipédia. Clara a failli avoir une syncope en jetant un œil sur l'écran. C'était très rigolo. Vous pouvez essayer à la maison, mais pas au boulot. Sur l'invention du vibromasseur, voilà ce que Wikipédia nous dit. Les premiers vibromasseurs apparaissent en 1883, inventés par le docteur Joseph Mortimer Granville. Ils sont des outils à usage strictement médical, qui portent un autre nom, utilisés par des médecins dans les asiles de fous, hébergeant des femmes hystériques, puis dans les cabinets de médecins spécialistes et de familles pour soigner les crises d'hystérie des femmes souffrantes, folles, malades ou pour certaines délaissées trop longtemps par leurs compagnons, dont les veuves. Bon, c'est écrit dans un style un peu bizarre. Ça devait être un métier sympa à l'époque. C'est extrait de la biographie de Freud. Non, du docteur Granville. Ah bah alors... Donc, j'imagine que c'est documenté. J'en sais pas plus. Ça va prendre avec. Ouais, ouais. Puis ça fait un peu louche quand même. Allez encore. Et en fait, pour tout vous dire, moi, je crois que j'avais vu ça aussi dans une expo à Londres où ils montraient un peu tous les moments où on avait essayé des choses entre l'électrocution et compagnie. Pour soigner, et il me semble avoir vu ça aussi, mais pas meilleure source. Ok, la page en anglais de Wikipédia dit la même chose en citant une autre source. Oh là là. Je pense qu'on a quand même un lien là. Non mais c'est potentiellement possible. Hein, pour le coup, comme je vous disais, l'hystérie, c'était un peu what the fuck. Hein. Mm-hmm. Mais je me demande si c'est pas les médecins qui sont allés chercher une bonne excuse pour aller remplir leur fantasme en fait, plus qu'autre chose, mais bon. Bref, on s'en sort. Ouais, non, mais typiquement, j'avais cherché un peu. La sérendipité, qu'il disait. Et Platon, lui, il disait que l'hystérie, c'était dû à. Pour citer apparemment Platon, la matrice est un animal qui désire ardemment engendrer des enfants. Lorsqu'elle reste longtemps stérile après l'époque de la puberté, elle a peine à se supporter. Elle s'indigne, elle parcourt tout le corps, obstruant les issues de l'air, arrêtant la respiration, jetant le corps dans des dangers extrêmes et en occasionnant diverses maladies. Voilà. C'est ta proposition de côte, c'est ça? Non. Non, faut pas déconner, faut pas rigoler. Ok, sinon on avait une question de Mika ensuite. Qui parlait, et c'est bien qu'il y ait Irène qui ait repris la parole parce qu'elle nous avait donné des précisions, qui parlait en parlant de médoc qui donne un comportement dangereux, dépressif, suicidaire, il y a un anti-acnéique qui s'en souvient, il agit comment? Et en fait, je pense qu'il parlait de l'acutène, c'est une précision qu'a donnée Irène. Alors, je ne sais pas si tu as des choses à nous dire là-dessus, ou si Irène en a à nous dire. Irène, peut-être. Moi, je ne connaissais pas, honnêtement, l'effet antidépresseur de la molécule. C'est vrai qu'on l'a prescrit de façon très... avec beaucoup de précautions, parce qu'elle a des effets sur la morphogénèse, donc il ne faut pas être enceinte quand on la prend. C'est une molécule qui a un effet important sur le corps, parce qu'elle interagit avec le métabolisme de la vitamine A. Je crois que j'avais fait une bêtise, j'avais dit E au début. Mais je ne connaissais pas le rôle en neurologie de la molécule, honnêtement. Question d'Ewi, ensuite, qui se demande si les antidépresseurs, ça fait vraiment aller mieux. Ça peut... ça peut aider, oui, comme disait... C'est Irène qui parlait tout à l'heure, oui. Mm-hmm. Comme disait Irène tout à l'heure, comme on sait, il y a de plus en plus de bases de neurosciences de la dépression. Donc oui, ça peut aider. Après, c'est cas par cas, là, pour le coup. Il y a des gens chez qui ça ne fera rien, ou chez qui ça améliorera vaguement, mais je pense que c'est vraiment cas par cas. Après, une thérapie psychologique est assez importante, quoi qu'il en soit. Ce qui est difficile aussi, c'est de séparer l'effet placebo de l'effet réel des molécules. Je pense que les antidépresseurs, d'un point de vue pharmacologique, fonctionnent. Non l'inhibiteur de la sérotonine, il marche très bien. Est-ce que ça a des effets sur la maladie? Après, c'est difficile pour les gens de savoir. Les médecins ne sont pas du tout d'accord sur les chiffres, en fait. Parce que c'est très difficile de séparer l'effet placebo de l'effet réel pharmacocinétique ou pharmacologique, du moins de la molécule. En revanche, c'est vrai que ça marche. Apparemment, ça marche mieux à court terme qu'à long terme. Apparemment, au bout de quelques années, ça marche plus très bien. Mais il y a une habituation, comme tous les médicaments, comme tous les traitements, comme tous les comportements addictifs où on doit augmenter la dose, que ce soit d'un comportement ou d'une substance, okay. pour continuer à sentir l'effet désiré. Donc une question de Gépif sur les troubles mentaux toujours. Il se demande si tous les troubles mentaux que tu as présentés, donc tu en as présenté un paquet, ont tous été rattachés à un truc physique, genre activité cérébrale particulière, prédisposition génétique, etc. Bah non. Non, c'est plus de l'observation comportementale et ils sont basés aussi sur des... Bah, le problème, donc le DSM, il se base sur des classifications de base freudiennes. Ensuite, il a... dans 1960. Après, il a migré de plus en plus pour être le moins possible freudien. Mais c'est pas pour ça qu'il a arrêté de nommer D'accord. certaines pathologies. Après, c'est plus les neurosciences qui se sont ajoutées pour essayer de les neurosciences et la génétique et tous les marqueurs et tous les biomarqueurs, toutes les recherches sur les biomarqueurs qui sont rajoutées par la suite sur ces classifications et qui permettent justement aujourd'hui d'en redéfinir certains, donc comme le NIH essaye de faire aujourd'hui, mais pas que. On classe pas les troubles sur des marqueurs neurologiques, sauf la catégorie que j'ai citée. Il y a une catégorie qui s'appelle troubles neurodéveloppementaux. Donc là, il y a des troubles, il y a des marqueurs neuro, dont, les troubles du spectre autistique, etc. Et par contre, subsidiaire, est-ce que c'est un peu l'objectif justement d'aller essayer de trouver des critères objectifs pour catégoriser toutes ces maladies ou pas spécialement? Bah là, il y a vraiment, il y a 36 écoles là. Enfin, il y en a deux majoritaires. Oui, on aimerait bien comprendre et avoir tous les critères et être sûr de ce qu'on fait et avoir tous les paramètres dans le modèle et que ça marche bien. Et l'autre, on ne réduit pas un homme à une machine, chaque homme est différent. Il y a trop de facteurs qui interagissent pour pouvoir les classer, ce qui n'est pas faux non plus. Moi, de base, j'étais plus dans la tendance, c'est sympa d'avoir des critères quand même. Mais quand on réfléchit, c'est vrai que... C'est pas toujours simple. Enfin, quand t'apprends, t'es content. Et puis quand tu vois un patient, t'es pas content du tout parce qu'il n'y en a pas un qui rentre dans une bonne case. Donc, c'est pas possible. D'accord. Et comme tu disais tout à l'heure, tout le monde a un petit, un peu de ça, un peu de truc. Okay. Tout le monde est un peu malade. Mm-hmm. Malade, est-ce que c'est le bon mot malade? Je sais pas, encore une D'accord. fois. On a une question de Mika qui, a priori, alors je sais plus à quoi il faisait allusion, sait-on jamais, comme il n'y a plus Irène, c'est peut-être un peu compliqué, qui disait « Oui, merci, la molécule, c'est l'isotrétinoïne. Me demande bien son mode d'action. » Ah, moi, j'en sais pas. Je sais fiche D'accord. pas. Bon, tant pis. Irène nous en reparlera peut-être si elle reprend signe de vie dans Daft Punk. Et enfin, une question de Gépif, un peu humoristique, mais ça, c'est pas inintéressant. Il se dit donc, il faut se balancer des coups de jus dans le circuit du bonheur pour être heureux? Non, mais est-ce qu'il y a eu vu que tu dis qu'il y a un circuit des émotions, on a fait quoi de cette information qu'on a maintenant? On arrive à un peu justement faire sortir des gens qui sont dans un état de dépression et les amener vers du bonheur ou pas du tout Alors. C'est surtout déjà pour comprendre le fonctionnement du cerveau, parce que aujourd'hui, enfin ce que les recherches font aussi, là on parle du pathologique, mais c'est vrai que moi ce que j'étudiais plutôt jusqu'à avant ma thèse, c'était plutôt tout ce qui est comprendre le cerveau sain et essayer justement de le mettre dans des cases, donc faire un modèle, ce qu'essaye de faire le Human Brain Project ou ces grands projets sur 10 ans là. Ce grand projet sur 10 ans pour modéliser le cerveau. Attends, juste redis-moi ta question, ça y est, j'ai zappé. C'était sur savoir, c'était une question un peu ouverte, sur le circuit des émotions, qu'est-ce qu'on en avait fait du fait qu'on savait que ça existait, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais sinon, c'était une question un peu ouverte, t'as déjà répondu, il n'y a pas de... Si t'as pas d'autres idées, c'est pas très très grave. Non, mais après, ce qui existe, il y a effectivement la stimulation de certaines zones. Donc, typiquement dans l'épilepsie, donc, l'ancienne hystérie de conversion, on a des stimulations des noyaux thalamiques, du noyau antérieur du thalamus, pour s'il y a une pharmacorésistance au traitement anticonvulsif. Si on peut pas, dans l'épilepsie, on a un foyer épileptogène, donc d'abord on donne des anticonvulsifs. Si ça marche pas, on fait une neurochirurgie. Si ça marche pas, enfin, c'est-à-dire si le patient c'est dans une zone qu'on peut pas faire de neurochirurgie, on peut stimuler certaines zones pour prédire ces crises. Donc en implantant des électrodes, voire en implantant des boîtiers où le patient s'envoie lui-même des décharges, mais 100 milliampères, hein, en courant continu ou en prévention d'une crise qui sent arriver. Mais je veux dire, non, on s'envoie pas, enfin, on peut pas. Par contre, on peut le faire chez la souris, oui, on peut stimuler typiquement l'amygdale chez la souris. L'amygdale, c'est une zone. Très siège des émotions, entre guillemets, bien que ce soit un circuit. Et par exemple, là, si on stimule l'amygdale pendant qu'une souris fait une tâche, une personne, j'allais dire qu'une souris fait une tâche, on peut observer, par exemple, une augmentation des capacités de mémoire pendant... C'est-à-dire que tout ce qu'elle va encoder pendant qu'on lui envoie des décharges, pendant qu'on lui stimule des structures appartenant au système limbique, donc le système limbique, c'est le système des émotions, ça va augmenter la rétention des informations, parce que ça va être le circuit. Si vous réfléchissez deux minutes, si une information est émotionnelle, vous savez vous-même que même, enfin, vous typiquement la Charlie, vous allez vous en souvenir, enfin c'était émotionnel, vous allez vous en souvenir dans 10 ans, vous vous en souviendrez. Pour une bonne partie d'entre nous, le 11 septembre aussi, ou votre mariage aussi. Et donc la stimulation de certaines zones, voilà, ça on le fait chez l'animal. Chez l'humain, on va pas aller stimuler le circuit des émotions chez les personnes dépressives, mais après on va plus agir avec la pharmaco. D'accord. Voilà, à ce que j'en sais. Après, je suis pas. Non, mais c'est déjà une réponse, une réponse assez développée. On verra si on aura l'occasion d'en savoir plus. Ok. D'autres questions, remarques, ou on passe à la fin de l'émission, au pitch, à la côte, etc. Non, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant et comme disait Clara, ça pourrait être un dossier énorme. C'est vrai. C'est par pathologie en fait, c'est ça le problème. Ouais. Ouais, et c'est vrai que moi je trouve le côté neurophysiologique vraiment très intéressant et j'aimerais bien qu'on ait d'autres émissions à ce sujet justement parce que en ce moment il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent au point de vue découverte dans ce domaine et c'est vraiment passionnant en fait. D'ailleurs, je vous conseille, il y a un livre qui a été publié il y a pas très longtemps. J'aime pas trop le titre, mais le contenu est vraiment très intéressant. C'est votre cerveau n'a pas fini de vous étonner. Et c'est un ensemble de... Stanislas Dehaene, non ? Il y a beaucoup de... Il y a des interviews de Boris Cyrulnik, de Mazoyer, etc. Et ça parle beaucoup des dernières découvertes, qui ont 2-3 ans maintenant, j'imagine, mais qui sont vraiment très intéressantes. Ça parle beaucoup des neurones miroirs et de la reconstruction. Je veux bien vous faire un épisode sur tout ce qui est neurones miroirs, émotions, tout le bordel. Ben voilà, on a le prochain épisode programmé. Voilà. Et c'est vrai que c'est passionnant. Parce que les neurones miroirs, c'est assez intéressant. Ouais. C'est le principe. Enfin bref, on ne va pas en parler là, mais oui. Ok, le rendez-vous est pris. Tu vas revenir nous parler de neurones miroirs. Et donc, tu as été à Paris, tu as été à Lausanne. Bah, tu vas aller à Nice la prochaine fois pour aller chez Julie. D'accord. Ouais, là, je suis encore un peu à Lausanne, mais après, je serai à Montréal. La prochaine fois, ce sera à Montréal. Ah oui, là, je sais où tu iras. Skype, comme il y a. C'est ça. Voilà, très bien. Parfait. On se mettra aux heures de là-bas, quoi. Donc, je sais pas trop. Ouais, ou alors, on ouvre une succursale à Montréal, après tout. Bah, il serait temps, hein. Business est florissant, ça marche bien, on a tout studio. Il va manquer des succursales dans l'hémisphère sud, quand même, un de ces quatre. Hein. Ah oui. Ça peut s'arranger. Les amis, on passe à la suite ? Passons à la suite. Donc, le pitch. La semaine prochaine, c'est freestyle. Wouhou, ça fait longtemps. Et donc, nous aurons la chance de recevoir Alicia. Elle nous présentera son association et nous parlerons donc d'art et sciences. Et puis voilà, sinon on aura un peu comme d'habitude, ou pas, ou comme un freestyle, quoi, la réponse au quiz du mois, la rubrique fail de Robin, et bien sûr un tas de courriers de lecteurs et éventuellement des surprises s'il y en a. Et voilà, donc ce sera la semaine prochaine, le freestyle, quoi. Et enfin la réponse au quiz du mois. Et comme Julie n'est pas là, je pense qu'on peut donner la réponse, quoi, ou en tout cas demander un avis à Clara. C'est quoi le quiz ? Alors le quiz, c'est il faut se couvrir pour ne pas attraper froid. Oui, je l'avais déjà entendu. Un faux ou un tox ? En plus, je m'étais dit, mais c'est quoi ce truc ? Je me souviens. Oh là là. Ah, ça, c'est une bonne réponse. C'est ça, c'est le con. Ah, je sais pas, non, je dirais info quand même. D'accord. Julie fait que des infos et Alan fait que des intox, donc normalement... C'était à Julie, ça ? Ouais. C'était à Julie, ouais. Très bien. Mais c'est pas vrai, hein. Moi je démens avec véhémence. Mais oui, le dernier il était ambigu, hein. C'était ni info ni intox si je me souviens ouais, bien. Ouais, par contre, Julie fait des infos mais Alan râle. C'est drôle. Moi je veux des intox. Mais j'ai pas fait que des intox. Ouais, bon, t'as fait une info pour dire j'ai pas fait que des intox. Ah. Très malin le bougre. C'est ça. Bon, on passe à la citation. Citation, ouais. On ne sait toujours pas comment on dit une quote en grec. Si, on le sait, mais j'ai oublié. Cherche. Clara, tu as fait ton boulot, tu nous as ramené des quotes. Ouais. Alors, Jean Cocteau d'abord. L'extrême limite de la sagesse, voilà ce que le public baptise folie. C'est beau. Là, attends, ça c'est beau. Hein. L'extrême limite de la sagesse, voilà ce que le public baptise folie. Eh ben moi, je vais vous dire déjà comment tu le perçois, Alain. Tiens. J'en sais rien, justement. Je sais pas comment. Moi, je trouve que c'est une parfaite citation. C'est qu'on n'est pas sûr d'avoir compris ce que ça veut dire, mais on a l'impression que ça vaut le coup de réfléchir dessus. Ouais, je suis d'accord. Le but de ces quotes, c'est de réfléchir pendant une semaine pour tenir jusqu'à l'épisode suivant. C'est ça. Bon, tu t'en es tiré par une pirouette. Ouais, la deuxième est pas mieux. Ben alors, vas-y. la deuxième, c'était Carlo Dossi, un politique écrivain italien. Les fous ouvrent des portes qu'empruntent les sages. Alors, je ne veux pas me prononcer, mais j'ai l'impression que les deux citations sont totalement contradictoires. Donc, toi, tu as compris la première. Parce que pour moi, la deuxième est claire. Et puis, je suis assez la deuxième est claire, d'accord. Les fous ouvrent des voies qu'empruntent les sages. Et la première te dit l'extrême sagesse, c'est de la folie. Il y a un problème, là. C'est ce que le public baptise folie, perçoit folie. Ah, je vois. Madame va jouer juste sur les mots, très bien. Écoute, j'ai ton jeu sur les mots, attention. Non, mais j'avoue que moi, je voulais dire juste la deuxième parce qu'elle est simple. Bah, pourquoi t'as dit la première alors ? Bah, parce que je l'aimais bien quand même, ah, tu vois. Ok, bon, je comprends. Très bien. Au fait, j'ai oublié de dire, je ne sais pas si les gens savent, mais moi, je travaille dans une compagnie qui s'appelle l'Asile de Recherche quand même. Je voulais juste te dire en passant. Ah non, mais on ne savait même pas nous, moi, je ne savais pas. Et pourquoi tu m'as aidé à faire le dossier alors ? Ça aurait été bien. Mais parce qu'il n'y a que des fous ici. Tout ce qu'on sait, c'est que ton métier, c'est d'installer des microscopes dans le monde entier, mais à part ça... Non, c'est une partie de mon métier. Mais oui, la boîte où je travaille s'appelle Asylum Research. Ouais. D'accord. Putain, c'est marrant comme nom, c'est fou. Et c'est inoubliable. Bah ouais. En fait, c'est surtout ça, c'est du bon marketing en fait. Mais il y avait une raison quand même à la base, qui n'était pas marketing. Mais bon, je digresse, je laisse continuer Clara. D'accord. On va t'inquiète, hein, vas-y. De toute façon, on allait passer au quiz du mois, donc tu peux digresser un peu si tu veux. Ouais. Donc, le quiz du mois, qui en fait au début était un quiz de la semaine, qui n'a jamais duré une semaine et qui maintenant est en train de se transformer en un quiz du trimestre, mais passons, c'est « Il faut se couvrir pour ne pas attraper froid ». Et en fait, c'était en bleu, donc Alan, si tu veux, tu finis, hein. D'accord, bah du coup, vous pouvez envoyer votre participation par mail. L'adresse, c'est podcastscience@gmail.com. Par Twitter, c'est @podcastscience. Par Facebook, vous nous trouvez en tapant juste podcastscience. Ou tout ce que vous voulez, n'importe quel moyen. Votre réponse ne sera pas ignorée, c'est promis. Ça, je crois que c'était un message personnel de Julie à Xavier de Bruxelles. C'est ça. Et sachant que, ça y est, les choses ont été relancées sur les messages un peu improbables. On en a reçu un pas mal cette semaine. On vous en parle dans le freestyle la semaine prochaine. Yep. Donc, la réponse au quiz du mois sera aussi dans le freestyle de la semaine prochaine, c'est ça hein ? J'ai l'impression, ouais. On passe aux plugs. Passons aux plugs. Voilà, c'est joli, ça. Ouais, c'est pas vraiment magnifique. Un plug, mais juste un gros, gros, gros merci à notre Pouillot national, que dis-je, notre Pouillot international, qui était dans la chatroom ce soir et qui nous a gratifié de 3 magnifiques dessins. Il était super inspiré, c'est vraiment juste excellent. Et on est content d'avoir des dessins cette semaine, tout particulièrement en plus. Ouais, cette semaine en particulier, c'est vrai. On est content que nos dessinateurs soient vivants, accessoirement. C'est devenu un métier dangereux. C'est ça. Ouais. Non, merci à Pouillot, puis à travers lui, à tous les dessinateurs. Non, c'est merci Pouillot. Un plug, c'est un message reçu cet après-midi de notre ami Méal Tep. Je le relaie ici parce que c'est une espèce d'appel à la population qui interpellera peut-être les plus métalleux d'entre nos auditeurs. Il nous dit « Salut Podcast Science, serait-il possible de penser à réfléchir à éventuellement faire un dossier sur métaux, métalloïdes, alcalins, alcalino-terreux et compagnie ?» Je connais effectivement la réponse « t'as qu'à faire », oui, je sais, mais si jamais vous n'avez plus d'idées et que vous êtes motivé, vous y penserez. À ce soir, Méal. Je trouve qu'il s'est fait sa réponse tout seul, ça me paraît pas mal. il connaît bien la baraque, Méal. En plus, il faudrait qu'il nous dise pourquoi, parce qu'a priori, c'est que des noms, mais il faudrait savoir pourquoi c'est intéressant aussi. C'est pour ça qu'il faut faire un dossier, quoi. Exactement. Moi, je pense que c'est une idée. Moi, je pense que c'est intéressant, ouais. Ouais. Mais il faut juste que quelqu'un se dévoue. J'ai comme le sentiment que personne dans l'équipe va vraiment se lancer. Du coup, si on a un auditeur ou Trice qui s'y connaît un peu. Voilà, je voulais que tu dévoues pour faire un dossier sur... Tu ne dois pas taper sur la table, Clara. Ah, pardon. J'ai passé la moitié du dossier à taper sur les doigts de Clara pour qu'elle ne tape pas sur la table. Ça l'a un peu perturbée par moment. La pauvre. Ouais. mais sur l'informatique, là, un peu là. Sur les systèmes, tout ce qui est hébergement, les bases, tu sais. Les bases de... les bases des langages. Mais ça, on voulait en faire, mais c'est pas évident. On l'avait déjà fait sur les algorithmes. Sur les algorithmes, on a fait, mais sur les langages, c'est encore autre chose. Moi, j'y avais pensé, j'en ai discuté avec 2-3 personnes. Java versus Python. Alors, ce sera un peu compliqué de l'aborder pour Podcast Science. Il y a d'autres podcasts qui le font mieux. Expliquer le concept de ce qu'est un langage. Mais voilà, c'est-à-dire que par contre, au niveau histoire et façon d'approcher le langage, mais le truc, c'est que je n'ai pas trouvé des sources très faciles et ça prendrait du coup beaucoup de temps, quoi. Moi, je n'avais pas très facile sur les maladies mentales, si ça peut te rassurer. mais ce serait cool, en effet, ouais. Bref, après 2 semaines thématiques au Café des Sciences consacrées successivement à la mort et au cerveau, c'est cette fois le temps qui a été retenu pour agiter les méninges des cafetiers et de leurs lectrices et lecteurs. Donc, du 26 janvier au 1er février, on fait une semaine le temps sur le Café des Sciences. C'est le grand docteur Goulu qui nous organise tout ça. Philosophie du temps, flèche du temps en physique, rythme circadien, chronobiologie, tout ça, il y en aura pour tous les goûts. Amis lecteurs, amis auditeurs, vous pouvez vous aussi participer à cette semaine thématique en soumettant un billet, un dessin, une bulle sonore, une vidéo maison, de préférence quelque chose d'inédit, mais on accepte aussi des rediffusions si c'est quelque chose que vous avez déjà publié quelque part. Pour cela, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le comptoir du Café des Sciences et si elle nous convient, enfin si elle convient à Goulu et à son équipe de choc, votre contribution sera validée et publiée. Alors à vos claviers, crayons, micros, caméras, que le temps vous inspire et qu'il s'écoule rapidement jusqu'à la découverte prochaine de tous ces contenus. Pour vous inscrire, donc, c'est comptoir.café-science.org. Et puis, la semaine thématique à proprement parler, ce sera... il y aura des liens depuis la page du Café des Sciences, mais ce sera sur le sous-site THEMA, donc THEMA.café-science.org. Voilà, et il y aura tout plein de participations, dont des inédits. Voilà. Et puis... T'avais quelque chose à nous dire, Tube, sur la... Ouais, dans les grosses annonces. Alors, c'est sympa de me la faire dire par moi, parce que c'est quand même grâce à tout le monde sauf moi, en fait. Hein. On a trouvé un lieu parfait pour notre 200e qu'on enregistrera le 24 janvier à 14h. C'est depuis le dernier bar avant la fin du monde à Paris. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop Paris ou le bar de la fin du monde, c'est un peu the place to be pour tout geek qui se respecte à Paris. Comme dirait un certain Alan qui a rencontré le responsable du lieu, il se disait geek avant de rencontrer le responsable du lieu. C'est ça, Alan ? Ouais, j'avoue. Non, mais là, je suis un geek de salon, un geek de pacotille, un bibelot de chez Tiffus à côté de lui. Le type a une barbe tellement longue qu'il a pu nouer des petites tresses dans sa barbe. Voilà. Donc bref, on a la possibilité d'avoir un public tout petit ou plus gros. Il faudra qu'on sache un peu si vous venez ou pas pour savoir un peu la taille que vous serez, mais on aura au moins le droit d'avoir du public. Si vous êtes sur Paris dans 15 jours, donc contactez-nous pour qu'on essaie de vous trouver une petite place et puis pour savoir combien vous serez. Et sinon, l'autre info là-dessus... pour ceux qui ne pourraient pas venir à Paris, on est désolé, mais ce ne sera pas retransmis en direct parce qu'on a il y aura une connexion Internet inexistante sur place. Donc, on le diffusera en différé. On est un peu triste, mais on ne pourra pas vraiment faire autrement. C'est quand même marrant que pour un lieu si geek, il n'y ait pas de connexion Internet potable. Mais bon, voilà. Voilà, donc désolé, dommage, mais ouais. Bon, bah, c'est l'occasion de plus pour dire viendez à Paris, quoi. Il y a quelqu'un dans la chatroom qui nous demande quand c'est. Donc c'est le 24 janvier à 14h. C'est un samedi. Hein. C'est un samedi. N'hésitez pas, si vous avez envie de venir, mais que vous avez des problèmes de logement, à nous le dire. On connaît des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. On pourra éventuellement essayer. Alors, je ne promets rien parce qu'on n'en sait rien pour l'instant. Ça dépend vraiment combien vous êtes. Mais je suis sûr qu'avec la solidarité à Paris, on devrait pouvoir réussir à loger des gens, quoi. Et d'ailleurs, moi, je voulais préciser, le dimanche, là, on fait un événement sur l'intelligence artificielle à La Paillasse. La Paillasse, c'est un hackerspace parisien, à peu près un des plus gros hackerspaces parisiens, donc plus de 700 mètres carrés dans le centre de Paris, donc vers Arts et Métiers, Strasbourg-Saint-Denis. Et donc, si y en a qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Je leur ferai une petite visite de La Paillasse, de ce qui s'y passe, etc. Si ça intéresse certains, le dimanche, voilà. Ok, bah ouais, carrément, ça peut être une splendide idée. En tout cas, prévenez-nous, si vous pouvez être dans le coin, ce serait super cool. Donc, ce sera la 200e. On va un peu faire une rétrospective de ce qui s'est passé depuis la 100e. Ça devrait être bon enfant, bien sympathique. Et on sera hyper heureux de vous y voir, ma foi. Et en plus, on a une exclusivité mondiale. On aura la présence d'Irène. Yes, hein, ça c'est... Et oui. Et ça, c'est pareil. Hein. Merci. Nico, peut-être juste pour préciser, parce que je crois que tu as été un peu light sur un point, sauf respect, tout ça. Mais en fait, on est dans une salle relativement petite qui ouais. peut compter grosso modo une vingtaine de personnes. Alors après, en s'entassant un peu, on pourra peut-être monter un peu plus haut. Mais du coup, les inscriptions sont à prendre vachement au sérieux. Il faut s'inscrire auprès de Julie. C'est elle qui gère tout ça. Sinon, vous risquez de pas... En gros, vous nous envoyez un mail à podcastscience@gmail.com. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et vous dites que vous voulez viendre. C'est tout petit, mais c'est dans le TARDIS, quand même. Qui est plus grand à l'intérieur. mais c'est pas le vrai TARDIS, du coup, il est quand même pas aussi gigantesque. C'est dommage, dans le vrai TARDIS, ça aurait été très cool. On aurait eu beaucoup de place. Sur ce, on conclut ou vous avez d'autres remarques à faire ? Non, vas-y, on peut conclure joyeusement. Donc... Nous vous avons diagnostiqué un trouble obsessionnel compulsif et on aimerait que ce soit contagieux. Celui de chaque semaine, nous écouter et nous mettre des commentaires sur SoundCloud, Twitter, Facebook ou même sur notre bon vieux site podcastscience.fm. Alors si vous voulez pas qu'on indivente le digne successeur du vibromasseur pour vous soigner, diffusez la connaissance et viendez faire un dossier pour demain 16h. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie. Si tu t'endors avec une porte ouverte, c'est que t'es en manque de relations sexuelles. Certainement, certainement. Non, ça, c'est vraiment dans un livre de Freud. Hein. Non, mais les objets ouverts, les portes ouvertes, placards ouverts et compagnie. Moi, j'ai lu qu'Introduction à la psychanalyse, mais qui est un peu gros, et où il y a plein de trucs comme ça, où il te dit les portes ouvertes et compagnie. Un vase chez toi qui n'est pas rempli de fleurs, c'est un acte manqué parce que t'es en manque de relations sexuelles. Oulala, oulala. Ouais. Ah, non, mais en plus, c'est ça. Et le pire, c'est que plus tu lis... pour avoir un peu lu Freud il y a 5-6 ans, et ben, plus tu lis, plus tu dis « Ouais, il y a un vague sens quelque part », parce qu'au début, tu es en mode « Ouais, et puis il faut dire que c'est très agréable à lire, parce que c'est écrit comme un cours, donc il répète tout 3 ou 4 fois, donc ça rentre en fait. Ouais. Et puis il a des anecdotes en fait. Il a beaucoup d'exemples, parce qu'en fait, c'est la plupart des trucs qu'il a fait, enfin en tout cas, c'est l'impression que ça donne quand tu le lis, c'est le flet de patients qu'il a eu, à qui il a posé des questions, à qui il a fait faire des trucs et compagnie. Et du coup, il s'est basé sur 3 patients et puis voilà. Et il a énormément d'exemples en fait qui sont assez amusants en plus, parce que quand on te parle de lapsus ou d'acte manqué, ça amuse tout le monde. Tu t'en fous de l'interprétation, mais déjà, du coup, t'es un terrain favorable à écouter ce qu'il a à te dire parce qu'il te prend des exemples et qu'il te parle de choses amusantes. Après moi, ce qui m'agace, c'est que les gens qui vont défendre ces théories vont venir te dire ah ouais, mais si tu es pas d'accord, c'est que t'as un problème justement. Mais c'est Irène, que le bas blesse justement. Tu as qu'à la fermer la porte avant de te coucher. Y a pas de... Mais ça marche. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui arrivent en. Petite pause. Je vais essayer de rappeler Daft Punk. Attention. Arrivent. Ouais, ça va pas mieux. Ah si. Arrivent. arrivant.